Là, on enregistre un podcast. Hein. Là, on est okay, déjà on enregistre un podcast. Oh putain. Ok. Oh putain. Quand est-ce qu'on se met à table? Si vous êtes des auditeurs assidus de Tartine Ta Culture, vous avez peut-être souvenir de notre émission spéciale de la même mais pas pareil sur Video Kill the Radio Star. C'était il y a un an déjà, et depuis on cogitait sur un nouveau format long où on pourrait papoter à plusieurs sur nos découvertes musicales. Et enfin, en décembre 2018, voici la Tartim, trois gros curieux réunis dans ma cuisine, pour parler d'un thème par épisode que chacun a traité à sa sauce. Alors comme d'hab, on fait pas de l'actu pour de l'actu, on se met aucune limite de genre ou d'époque, on juge pas les goûts et on peut poser des questions idiotes. Et aussi on va jouer un peu. Pour cette grande première, j'accueille Clément, l'homme qui plonge sans protection dans les reprises françaises et nous offre quoi la baise. Bonsoir à tous, ça va bien? Ça va bien et toi? Merci, très belle intro. Merci. Et Léo qui démarre aujourd'hui sa carrière de cuistot chez Tartine Ta Culture, ça va Léo? Ça va très bien, on va essayer de faire ça bien pour la première. Ah, on va essayer. Et je suis Manu, le tenancier du blog et de la même mais pas pareil. Le thème du jour pour cette première, c'est... Première fois, ces expérimentations au moment où la mayonnaise a pris pour créer un truc nouveau. Oui, je force un peu la chance pour cette émission, j'espère que cette expérimentation va fonctionner. Donc du coup, je vous offre le menu du jour. Nous aurons Clément qui va nous présenter la première utilisation pop de l'autotune. Bien, salut. Ensuite, je vais vous parler du premier morceau heavy metal. Et enfin, Léo va nous raconter la découverte de la TB-303. Tchou tchou. Clément, je te laisse démarrer avec aisance et place cette première chronique. Donc, merci beaucoup. Mais de rien. Pour m'avoir introduit. Donc, je vais faire ma première chronique dans cette émission qui a lieu pour la première fois. Le thème, première fois. Quand j'ai appris le thème, je me suis retrouvé lycéen devant mon bac blanc de philosophie. Putain, je prends la disserte ou je fais une explication de texte sur la première fois de trio? Non, on va essayer de trouver un truc un tout petit peu plus cool. Passer mes premières idées qui ne méritaient pas que je ne m'attarde, du genre le premier chanteur a performé debout sur un mur séparant une ville allemande en deux alors que le mur est en train d'être détruit, je repense à une chanson un poil nanar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne pense pas que beaucoup de gens l'écoutent en se disant « putain c'est génial ». Du moins je l'espère. Mais sa particularité réside dans la première utilisation abusive de l'autotune. Jean-Claude Van Damme, saint patron de la métaphore, a dit un jour « l'air, ça existe et ça n'existe pas ». L'autotune, c'est pareil, ça s'entend et ça ne s'entend pas. Mais qu'est-ce que l'autotune et d'où vient-il? J'aimerais pouvoir faire sans, mais je n'y arrive pas. Maintenant même si je fume, je chante comme une diva. Je peux faire des oh, des yeah, des vibes et plein d'autres trucs trop cool. Je sais que t'aimes pas ça, je continuerai même si ça te saoule. Autotune, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Un référence à T-Pain quoi. D'accord. On va en parler vite fait. Il est abordé. Donc, l'étymologie du mot contient auto, de automatique et non automobile, et tune, de l'anglais accordé, ce qui donne donc accordage automatique. Et c'est en réalité un logiciel correcteur de tonalité destiné au chant, utilisé de nos jours dans de nombreux morceaux. Son inventeur est Eddie Hildebrand, dit Dr. Andy. Et on l'appellera Dr. Andy parce que c'est plus facile à dire que Hildebrand. Donc, selon vous, messieurs, quelle était la profession de ce monsieur? Ingénieur du son, un truc dans le genre, non? Donc, putain, on a un ingénieur du son par Léo. Merde. Allez, mécanicien. Mécanicien. Et étrangement, c'est pas mécanicien. Mais du coup, il n'était pas du tout ingénieur du son. Ah non, il n'était pas un médecin. Pas du tout non plus, mais c'est pas grave, on va peut-être pas faire toutes les professions pour y arriver. Dommage. C'est un ingénieur du son... Merde. Tu vois, je te l'avais dit. Tu m'as perdu. C'est un ingénieur en électricité américain spécialisé en sismologie qui travaillait dans l'industrie pétrolière. Il met au point une méthode basée sur l'autocorrélation permettant d'envoyer des ondes acoustiques dans les sous-sols pour y déceler une possible exploitation pétrolière. Après avoir vendu son invention à diverses compagnies, il prend sa retraite à 40 ans et s'inscrit dans une école de musique. Plus tard, lors d'un dîner, une amie le met au défi de créer un système pour chanter juste. Tout le monde rigole bien, mais attendez. Dr. Andy se rend compte qu'il pourrait utiliser des algorithmes qu'il utilisait en sismologie pour corriger une voix en dehors du ton. Il crée l'entreprise Antares Audio Technology et après de longs travaux, l'autotune est né. Nous sommes fin 96, le logiciel commence à se répandre les années suivantes, l'autotune est le saint graal rêvé par les ingénieurs du son. En plus de corriger un chanteur en dehors du ton, il permet d'économiser de l'argent, il faut désormais moins de prises de son. Pour le chant, chanteur et producteur gagnent du temps. Mama, Ma voix passe mieux sur le tout. Ça sera peut-être un extrait de ce soir. Mais comment ça marche ce machin ? C'est un logiciel informatique qui permet de corriger la voix pour la remettre dans une gamme prédéfinie. Au préalable, on lui donne la tonalité de la chanson, un do par exemple. Puis si le morceau est en majeur ou en mineur. Ainsi, le programme définit une gamme de notes qui seront justes et corrige au plus proche de son échelle. L'autotune est partout mais on ne l'entend pas forcément, car les réglages peuvent être plus ou moins forts. Quand on pousse les réglages à leur niveau les plus sensibles, on obtient une espèce de voix métallique. À ne pas confondre avec un vocodeur. Ce qui m'apporte à la question, messieurs, savez-vous quelle est la différence avec un vocodeur ? Bien sûr. D'après ce que je viens de vous dire. Bah vas-y, dis-le. Eh bien, le vocodeur n'est pas un effet qui va remettre la voix sur la bonne tonalité, mais bien un effet qui va transformer la voix pour l'accorder sur un synthétiseur et avoir la voix d'un synthétiseur. C'est parfait. C'est vrai. Wow. Puntos pour l'ami Léo. Putain, première remarque et bonne remarque. Voilà. Bravo. Bon, alors du coup, je ne lis pas mon prochain paragraphe. Merci de me faire gagner du temps. Cependant, l'autotune à outrance est très prisé dans le rap. Il a été démocratisé par T-Pain, Kanye West ou Booba en France. Mais quel est le premier titre à avoir utilisé cet effet ? Et je suis sûr que vous mourrez d'envie de me répondre. Cher. Et debout les campeurs et haut les cœurs, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Quelle belle référence. Ceux qui ont la référence comprendront. Mais qui est Cher ? Et pas qu'est-ce que le Cher, le département français. Chériline Sarkissian Lapierre, de son vrai nom, est née en 1946 en Californie. Elle est une icône des années 60, connue pour son duo musical avec Sonny Bono, Sonny and Cher, à qui on doit le titre « I got you, baby ». Elle commence en parallèle une carrière solo. On lui donne notamment « Bang Bang », première version du nom. Oh, oh. Oui. Ben oui, non mais on est tous d'accord. D'après vous, de toute façon c'est l'histoire, hein, donc... D'après vous, qu'est-ce qui relie Cher à Edith Piaf ? La voix qui tremble trop ? L'absence de voix ? La voix qui tremble trop, je pense. L'absence. Alors la voix qui tremble trop, l'absence de voix. Non, il y a un vrai, truc qui relie les deux. C'est la petite, c'est alors, le truc marrant si tu veux. C'est le truc marrant. Attends, Edith Piaf, elle est morte au début des années 60. Sonny and Cher, c'est quoi, c'est début 60 ouais, c'est genre ça, sa petite, c'est genre sa fille. Il y a un lien. Non, il y a pas le lien de parenté. Il y a aucun lien de parenté. Elles ont bossé avec le même mec. Ah, on se rapproche. Elles ont bossé avec le même producteur. Elles ont pas bossé pour le même producteur. Donc en fait, le lien. C'est la chanson My Lord, Milord, écrite par Georges Moustaki pour Piaf. Elle a été reprise par Cher en anglais. Voilà, c'est la petite anecdote du jour. Vous vous coucherez moins con. Cool. Tous, tout ça. Mais Cher a une carrière très complète et peut se vanter de quelques récompenses au 7e art. Elle reçoit notamment le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1985 pour le film Masque. Oui, j'avais vu des extraits de ce truc. Je sais pas trop comment elle s'est retrouvée là. Je sais pas, parce que moi je la connaissais pour Believe surtout, si tu veux. Donc... non, mais il y avait d'autres trucs, hein, mais je veux dire, quand tu dis. Voilà. Enfin... Mais Cher, c'est la musique. Elle enchaîne les albums comme elle enchaîne les décennies, entrecoupées de tournées grandiloquentes. Nous sommes en 1998, en novembre précisément. Le monde se prépare doucement à glisser dans le futur. Le bug de l'an 2000 approche, et Cher sort Believe, single de son 22e album, Believe. C'est lors de l'enregistrement de la chanson que les producteurs Mark Taylor et Brian Rowling s'aperçoivent qu'en mettant l'autotune à son réglage le plus sensible, il en ressort cet effet métallique, robotique. On lui donne même parfois le nom de Cher Effect. C'est donc la particularité du titre Believe de Cher qui sera numéro 1 dans de nombreux pays d'Occident. Le monde découvre l'autotune à ses limites. Sur un titre pop, dance, techno de Cher. Cher qui arrive toujours à suivre le mouvement à 53 ans. Et d'ailleurs... Quelle autre première fois cumule Cher avec la sortie de ce titre ? Parce que je fais des mises en abîme. Donc première fois dans une première fois. Putain, première fois dans une genre première. Premier des top 50, un truc dans le genre sur un truc spécifique, non? Ouais, j'aurais pensé à un premier classement, non, c'est pas ça? Alors, effectivement, elle est première dans de nombreux charts et classements, mais il y a un truc vraiment particulier, parce que c'est la première fois qu'une femme de 53 ans classe un titre en tête des charts. Waouh! Wow. Et c'est-à-dire qu'elle est dans le Guinness Core comme la femme la plus vieille à avoir foutu un titre numéro 1 sur les classements. Waouh! Voilà. Féminisme. Ouais. Ouais. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment dommage qu'on se dise que en 98, c'était la première fois qu'une nana de 53 ans arrivait à classer en titre. Je veux dire, justement. Tu vois, j'aurais pensé une nana genre. Et elle est toujours la première, on est d'accord. De quoi? Elle est toujours la plus vieille. Alors, j'ai pas. Suzanne Boyle. Je me suis pas retapé le Guinness Book pour voir. J'aurais mais... dit ouais, j'aurais dit Tina Turner, mais en fait. Je sais pas, Jeanne Calment a sorti un titre. Non. Oui, oui, c'est vrai. Bah elle a battu les records de loin. Hein. De quoi? Je crois qu'elle avait déjà quasiment 120 ans. Ouais, mais elle a pas été numéro 1 au Billboard des États-Unis quand même. Non, j'espère. C'est un véritable succès. Pour l'époque, c'est frais et nouveau. On a déjà un pied dans le futur. C'est un titre dance qui se retrouve sur toutes les bonnes compiles de l'époque. Le titre contient des samples non crédités, des chansons prologue et épilogue de Electric Light Orchestra. Oh. Et alors, il faut avoir l'oreille parce que moi, j'ai essayé vraiment de retrouver ces trucs et je sais pas. Donc, c'est une info à vraiment prendre avec des pincettes. Mais je trouvais ça un peu intéressant. Voilà. Merci. Sa tonalité Merci. Est un fa dièse majeur. C'est donc le réglage de l'autotune pour définir la gamme. Ah. Ah. En ce qui concerne le texte, il faut savoir que 6 auteurs ont contribué à l'écriture. C'est quand même beaucoup. C'est une chanson d'après rupture. Je cite le refrain. Est-ce que tu crois à la vie après l'amour? Je sens quelque chose en fond de moi qui me dit que je pense que tu n'es pas assez fort. Putain, c'est beau. C'est beau, hein. C'est une disserte à faire là-dessus. Vous avez 3 heures. Mais la substance dans tout ça, c'est que je vais m'en sortir. Je vais réussir à passer au-dessus de ça. Couplé à la musique, on peut croire que c'est en dansant pendant des heures sous les stroboscopes que Cher va s'en sortir. Et donc, une petite question là-dedans, c'est dans quelle série d'animation peut-on entendre une parodie de Believe? Putain, alors attends, est-ce que c'est une série de l'époque à peu près? Enfin genre autour de 98-99? Dans l'épisode, South c'est Park. Un épisode... Oh bravo, oh. Forcément, s'il y a une parodie, c'est forcément South Park. Donc dans l'épisode, bah, hyper difficile. dans l'épisode 8 de la saison 3, qui s'intitule « Deux hommes nus dans un jacuzzi », une fête est organisée chez Monsieur McKay, qui passe en boucle le single de Cher, vous voyez. Cela montre le phénomène de cette chanson et l'utilisation de l'autotune. À l'époque, ça a été vraiment un truc de ouf. Depuis, l'autotune est partout, omniprésent dans tous les styles de musique, de manière naturelle et transparente, afin de corriger le chant. Légèrement, mais aussi de manière excessive, dans divers styles musicaux, du rap à la house, en passant par la dance, et même la variété française. N'est-ce pas, Benjamin? Oh non. Alors ouais, je prends mon temps. Franchement, je suis hyper sympa de te laisser ça. Alors ouais, je prends mon temps. Mec. Alors ouais, je prends mon temps, tout le temps. Hyper tranquille, dans la super grande ville. Étonnamment, je déteste pas. De quoi? Étonnamment. Alors, tu sais, pour faire la chronique, je me suis tapé plein de trucs et il y a des fois, genre à la fin, bah, j'aimais bien l'écouter. Quand je me suis coupé les extraits, j'ai fait oh. Tu coupes les oreilles. Au final. 6 et 30 secondes. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'après avoir écouté 60 fois Cher Believe pour avoir un peu le morceau en tête, si tu veux, Benjamin Biolay hyper tranquille, ça passe quoi. Bah ouais, t'as pas des questions existentielles à te poser sur cette chanson, donc c'est parfait. Non, c'est pas trop. Ça va. Donc il faut voir l'autotune comme le Photoshop vocal, au même titre que toutes les photos publiées sont toujours retouchées. D'un mannequin à une simple photo de chocolat dans un catalogue, ça peut être subtil et des fois c'est grossier. Pour le pianiste Chili Gonzalez, l'autotune ne peut pas transformer un piètre chanteur en virtuose, car il n'agit pas sur certains paramètres, tels que l'intention, l'expressivité et le charisme. Cependant, l'autotune est aujourd'hui un outil créatif, c'est le signe distinctif de certains interprètes, comme PNL et bien d'autres. Le logiciel n'est pas prêt de mettre la clé sous la porte, car qu'on l'entende ou non, le Cher Effect est présent dans la grande majorité des morceaux. Remerciez Cher de l'avoir rendu célèbre. En attendant que les réglages les plus sensibles arrivent bientôt dans vos soirées karaoké, quelles sont pour vous les références de la chanson autotunée? Oh putain, franchement PNL, direct, enfin, c'est eux qui ont mis ça en tout cas en France, mais t'as aussi T-Pain. Oui, T-Pain. T-Pain de ouf. Et t'as aussi... Alors... Tu veux une référence parfaite? Alors, en fait, là où je... Oui, alors je vais te laisser finir, je t'en prie. J'ai envie de parler du premier morceau de rap avec de l'autotune qui s'entend dedans. puisque la plupart du temps on pense à T-Pain, on pense aux États-Unis, mais en fait non, c'est nos amis de TTC avec Tequila Tex dans un morceau de l'antre de la folie en 2002 qui te sort un son de fou avec justement de l'autotune où il a déjà une utilisation genre hyper travaillée comme un effet. Et qui est assez impressionnant. L'équilibrage, le mixage est impressionnant. En fait. T'as l'impression, ça devrait saturer, ça devrait être dégueulasse, et bizarrement, ça fonctionne. Non, c'est vrai. Et ça sera ma recommandation de tout à l'heure. Et ben voilà, très bien. Ben voilà, on n'aura pas besoin de te demander. Non, mais moi je voyais en fait dans des morceaux qu'on va appeler planétaires, ouais. Les références. Tu vois, genre moi j'avais les Black Eyed Peas oui. avec I Got a Feeling, qui ouais, était ouais. un putain de carton auto-tuné du coup à Donf, qui permet aussi de démocratiser le truc. Donc, est-ce que vous avez des petites idées comme ça ou pas attends. Sachant que j'ai rien préparé là-dessus, donc du coup, si vous me dites non, je suis trop dans la merde, quoi. En fait, des morceaux avec de l'autotune, même on va dire de façon subtile, j'en ai en tête, mais vraiment des trucs vraiment marqués. Enfin, il y en a plein, mais vraiment, j'imagine des tubes vraiment planétaires, vraiment marquants. Oh, t'as bien Madonna qui a dû faire un truc. Oui, je pense que. Ouais, si, t'as raison. Bah, on n'a pas grand chose en fait, parce que finalement, maintenant, vu que c'est utilisé à toutes les sauces, tu veux, t'as pas le truc. Bah, voilà. En fait, maintenant, je pense que c'est un. Quand tu parlais de l'aspect créatif du truc, c'est que du coup, maintenant, on a vraiment des artistes qui utilisent ça, on va dire, au premier plan. Mais, comment dire. C'est pas forcément des artistes planétaires, des artistes qui ont une renommée énorme et qui ont surtout une influence de fou, quoi, en fait. C'est que dans leur style, ils sont reconnus et ils influencent beaucoup de gens. Après, c'est vrai qu'en termes de tubes vraiment hyper grand public, il y en a, mais là, je t'avoue que en tête, j'en ai pas qui viennent. Bon, mais c'est pas grave. Désolé l'autotune. Mais merci, Léo, d'avoir répondu. En tout cas, Léo nous a fait une magnifique réponse. Voilà. Merci, Léo. Voilà. Et bah, vu qu'on est sur les premières fois, voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Eh bien, merci Clément, en tout cas, c'était très intéressant, c'était toutes ces informations sur l'autotune, une technologie qu'on maîtrise mal et que souvent on a du mal à comprendre. Alors, du coup, je vais maintenant enchaîner avec la deuxième partie du menu. On va dire, je dirais pas la pièce de résistance parce que ce sera un petit peu présomptueux. Ouais, c'est bien aussi. Vous avez choisi des cas concrets où on sait d'où vient une technique ou une technologie. Clément nous a parlé de l'autotune. Ensuite, Léo va nous parler de la TB-303. Moi, je me suis penché sur un truc qui est plus esthétique. C'est quoi le premier morceau de heavy metal ? Alors, j'ai choisi le heavy metal parce que c'est un chemin qui s'est créé dans le prolongement d'un courant majeur, donc le rock, et qui a lui-même eu une énorme généalogie. Qui a créé plein de, on va dire, de sous-genres, et qui n'est pas lié directement à une découverte technologique soudaine. C'est plus, on va dire, un ensemble de facteurs qui s'accordent à un moment et offrent une nouvelle cohérence artistique. Alors, c'est quoi le heavy metal ? Bon, déjà, avant de se plonger dans les archives, passons par l'étape définition. Oui, c'est chiant. Le nom heavy metal n'est pas lié à la musique, mais bien plus à vos cours de physique-chimie. Si vous avez entendu parler de la classification des éléments, et notamment des métaux lourds. C'est vrai. Sérieux ? C'est vrai ? Alors d'abord, je tiens à citer d'entrée le travail de recherche de l'auteur Dina Weinstein, qui a un peu trié le vrai du faux sur la parenté et l'origine du terme heavy metal. Pour vous rappeler un peu, dans la culture populaire, c'est un terme qu'on a trouvé chez l'auteur William Burroughs dès 1946, et après dans plusieurs bouquins, sous la forme d'un personnage qui s'appelait Uranian Willie, the Heavy Metal Kid, qui était un membre d'une planète, enfin qui venait d'Uranus, et qui avait un visage métallique et des antennes. Et en fait, dans cette histoire, le métal lourd est perçu comme une espèce de drogue, une sorte d'addiction en fait. Et du coup, en fait, le terme heavy metal est resté vraiment littéralement lié au métal. Donc, dans le contexte musical, dans les paroles d'une chanson, la première fois où on a vraiment eu le terme heavy metal, c'est Steppenwolf en 68, qui nous parle du heavy metal thunder dans le morceau très culte Born to be Wild. Alors, le heavy metal thunder, donc littéralement, c'est un éclair de métaux lourds. Ça fait référence à la puissance et au bruit des moteurs de voitures ou de motos. Mais après, voilà, ça s'arrête à là. On ne sait même pas si Steppenwolf a aussi voulu faire une référence à William Burroughs, mais il n'y a rien qui le prouve. Mais après, c'était un peu difficile de déterminer vraiment c'était quoi le genre heavy metal. Et d'ailleurs, quand ce style s'est un peu révélé au grand public au début des années 70, on parlait aussi de heavy rock, mais aussi de hard rock, où en fait, hard rock, on mettait tous les artistes qui étaient inspirés du blues, et on parlait aussi de downer rock, donc downer, genre un peu la descente, la déprime. Ça faisait référence au fait que les chansons avaient des paroles sombres et un certain réalisme froid, on va dire. Et en fait, ce qui est intéressant dans le terme heavy metal, c'est surtout le mot metal, parce que justement, il renvoie à plusieurs idées qui sont un peu propres à cette époque, c'est-à-dire fin années 60, début 70. Déjà, il y a le son métallique des guitares électriques qui sont amplifiées. C'est-à-dire que ça se sent vraiment au niveau des sonorités. On sent justement cette amplification, cette saturation, ces effets qui sont dessus. Ça donne vraiment un son métallique. Ensuite, il y a aussi le côté vraiment industriel, c'est-à-dire que une grande partie des fans qui ont commencé à être intéressés par ce courant musical, c'était des gens qui bossaient dans les industries du fer ou de l'acier, notamment tous les fans de rock en Angleterre du côté des bons de gros bah ouais. Et du côté de Birmingham, du nord de l'Angleterre, ou encore Détroit aux États-Unis. Ça a été vraiment des zones où il y avait vraiment une très forte industrie, et c'est pour ça que cette identification au métal est assez forte. On peut citer aussi la contre-culture de la Beat Generation, c'est-à-dire tous les auteurs un peu nomades des années 40-50 qui se baladaient aux États-Unis et qui ont été très influents dans les domaines artistiques, ce qui me renvoie donc à William Burroughs, dont je parlais tout à l'heure. Et à côté de ça, on a aussi, en 69, cette histoire m'a fait marrer, c'est que le heavy metal, c'était un mot qu'on retrouvait très souvent dans la presse, parce qu'en fait, c'était pour parler du mercure, qui est un métal lourd, et il y avait des gros problèmes de pollution dans l'air et dans l'eau, liés justement au mercure, et du coup au heavy metal, qu'on voyait comme un espèce de truc un peu dangereux. Ça fait moins stylé, c'est sûr, mercure comme style de musique. Mercury, ça fait Freddy, quoi, mais sinon... Et donc en fait voilà, ce terme en fait on le trouve un peu partout, c'est ce qui fait qu'il s'est implanté assez facilement pour définir un genre musical. Bon, maintenant qu'on parle un peu de musique, parce que c'est bien tout ça, mais là on s'écarte un peu du propos. Donc les particularités du heavy metal, donc déjà c'est comme d'habitude, un style ne débarque pas de nulle part, c'est plutôt la suite logique de diverses évolutions. C'est-à-dire qu'à la fin des années 60, on est déjà environ à la troisième génération du genre électrique, on va dire. On a eu les bluesmen des années 30-40 qui ont commencé à avoir un son électrique dans les grandes villes américaines. Et puis après, on a vraiment le courant rock'n'roll qui s'est développé dans les années 50. Donc l'amplification, la puissance, des expérimentations soniques qu'on trouve de plus en plus. Et en fait, on peut limite trouver un chemin depuis la scène blues de Memphis, où s'est développé un son électrique, plus gras, plus sale, un peu tordu, avec du Larsen, et des power chords, c'est-à-dire des accords, on va dire, à trois notes, où on ne joue que la fondamentale et la quinte. C'est-à-dire qu'on joue vraiment sur toute la puissance, et pas vraiment sur la mélodie. Et bien c'est quelque chose dont la pop britannique va s'inspirer, à l'image de You Really Get Me en 64 par les Kings. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah. C'est aussi un phénomène qu'on va retrouver chez les Who avec I Can See for Miles. Et puis bien sûr, on a l'exemple des Beatles que vous connaissez, ça, oui, avec forcément Helter Skelter. Profiter de tous tes extraits d'un coup, quoi. Je joue mes quelques cartes assez rapidement là. Ouais. Je vois quel genre de joueur tu es. Donc si on mélange, on va dire du blues rock amplifié et simplifié aussi, avec tout l'aspect power chord et vraiment le côté, on va dire, brutal, mélangé aussi avec la vague psychédélique qui est très importante, qui s'est développée dans les années 60. On peut citer un groupe comme Cream par exemple. Cash Rule Everything Around Me. Non, c'est pas le même Cream. C'est le Cream de Eric Clapton. Donc si on mélange ce blues avec cette vague psychédélique, ça laisse place à des expérimentations sonores, on arrive à une forme de rock qui est plus brutale, plus lancinante et plus testostéronée. Et d'ailleurs c'est marrant de voir que justement l'étiquette heavy metal, ça rassemble un peu tout un tas de variantes, et en même temps aujourd'hui on a l'impression que c'est quelque chose d'assez codifié, le metal. Et ça me fait penser un peu au cinéma d'horreur, où finalement le spectateur s'attend à voir un ensemble un peu d'archétypes et de clichés, alors que finalement il y a plein de formes différentes, mais on s'est vraiment habitué à certains codes. En bref. Pour définir un peu, quels sont les ingrédients propres pour faire le son qu'on classe sous heavy metal, qu'est-ce que vous diriez, selon de vous la grosse guitare saturée, ma gueule. Ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est de la grosse. Alors, moi, je suis. J'ai déjà dit à la guitare, tu peux pas prendre la non, guitare. Non, mais ouais, justement, je vais essayer de trouver un truc. Attends, t'as trop. Moi, j'en ai un autre, mais je te laisse. Un truc. Non, non, alors, dont. Je repense au Hellfest cette année quand on y a été là. Enfin, juste avec Manu, parce que c'est qui raconte sa live. Du coup, c'est le concert de Judas Priest. En fait, je trouve qu'il y avait vraiment un esthétisme derrière le heavy metal que moi, j'écoute pas trop de heavy metal. Et en fait, j'ai été assez surpris. Justement de tout l'esthétisme, et en fait je pense que c'est ça aussi que je vois quand je vois aussi des concerts d'Iron Maiden ou des trucs comme ça. C'est vraiment, il y a un espèce d'esthétisme vraiment, ou même les pochettes, c'est vraiment des trucs. Moi je vois un truc entre le biker et le gothique, tu vois, genre le juste milieu entre les deux. Alors, un peu. Ça c'est dans le public. Non, mais alors, au niveau, le côté non, mais biker au niveau est évident. De l'imagerie un peu, tu vois, genre le truc c'est pas gothique au point d'être hyper gothique, mais c'est gothique genre un peu dans le en côté fait, un peu triste, tu vois. Genre. En fait, alors, gothique, alors pour le coup, le côté gothique va arriver. Taper sur les doigts. Va arriver quand même un peu plus tard. Mais par contre, c'est vrai, le côté biker est hyper important parce que du coup, en fait, le heavy metal, c'est un peu un truc qui se crée à mi-chemin entre le courant hippie où on a beaucoup de trucs psychédéliques qui se développent, mélangé avec la culture biker. Et du côté, t'as un côté un peu plus revendicatif, un peu plus violent, mais aussi très expérimental. Donc voilà. C'était donc la réponse que t'attendais. Non, pas forcément. En fait, je vraiment à côté, quoi. Je rebondis. D'accord. Donc ouais, enfin moi, ce que j'avais classé un peu dans ces ingrédients, c'était donc du rock amplifié avec distorsion, le son de guitare, basse, batterie lourd, c'est vraiment le trio qui fonctionne vraiment bien et qui fonctionne ensemble. Donc les power chords dont je parlais tout à l'heure, et aussi des accords qui sont mélodiquement limités. Finalement, c'est pas tellement le, on va dire, l'harmonisation qui compte, mais c'est plutôt vraiment la puissance du truc. Et du coup, quelles chansons sont censées avoir l'étiquette de pionnier du heavy metal? Et c'est là qu'on rigole. Parce que du coup, les groupes les plus identifiés à l'origine du heavy metal, on cite généralement Black Sabbath, et d'un autre côté, on cite aussi par exemple Led Zeppelin, ou encore des groupes comme Iron Butterfly, que je connais pas beaucoup, mais voilà, dans l'idée, c'est un peu ça. Et puis je vous parlais aussi de Steppenwolf tout à l'heure, Born to be Wild, c'est pareil, c'est un ouais. Vraiment... Bah, Born to be Wild, c'est 68. T'as vu Easy Rider? Oui, mais justement, c'est pas le premier son qui me fait heavy metal, moi, du coup. Bah, c'est assez marrant, parce que du coup, moi non plus. C'est quand je me suis fait la remarque quand j'ai vu ce nom-là. Et finalement, ça, on va dire, c'est les groupes majeurs, on va dire, les groupes qui sont restés un peu dans la postérité, qui, justement, avaient cette identité musicale d'un rock lourd, puissant, agressif, un peu sombre. Mais le morceau qui semble faire consensus en tant que première vraie recette de heavy metal, c'est un groupe et un morceau assez peu connu. Évidemment, comme j'ai du bol, il a fallu que ce soit une reprise. Et il s'agit de Summertime Blues par un groupe qui s'appelle Blue Cheer. Et ça m'arrange beaucoup parce que comparer l'original et la reprise va nous aider à voir un peu ce qui fait heavy metal. Donc d'abord, je vais vous faire écouter Summertime Blues par Eddie Cochran, l'original, donc en 58. Ça, c'est metal. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est vraiment métal. C'est heavy métal. No die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Donc on a un blues minimaliste avec une guitare sèche, juste une voix qui résonne, bon, des chœurs, et la rythmique qui est principalement des claps. La mélodie repose sur deux accords, un mi majeur, un la majeur. Bon, on a aussi une petite variante en 6/7, mais ça c'est un détail. Et finalement, ces accords majeurs, ça donne vulgairement une ambiance joyeuse, légère, et avec ce petit break que vous avez entendu au refrain, et puis cette rythmique en clap, ça donne un morceau assez festif, assez dansant. Pourtant, c'est bien un blues dans le texte. C'est-à-dire que c'est l'histoire du gars qui veut emmener sa copine en date, mais son patron lui dit qu'il doit bosser tard. Ou alors les parents qui refusent de prêter leur voiture à leur fils parce qu'ils gagnent pas assez d'argent. Donc voilà, il y a une côté un peu frustration. Et du coup, on a ce refrain que je trouve assez limpide. Sale pauvre. Ouais, le refrain, j'aime bien, c'est parfois je me demande ce que je vais faire, mais il n'y a pas de remède pour le blues d'été. On dirait Rock Collection de Laurent Voulzy. Oui, mais en 58. Voilà. Ouais, mes parents, ils veulent pas m'acheter une voiture. Et donc, maintenant, pour vous, je vous ai présenté sommairement cet original. Maintenant, on traverse 10 ans en avant. 10 ans d'un coup à la rencontre donc de Blue Cheer, qui est un groupe formé en 67 à San Francisco. Donc, c'est aussi un point important, parce que San Francisco, la vague psychédélique, et une bouteille qui tombe. Donc Blue Cheer, c'est un trio guitare-basse-batterie, avec un nom d'une variété de LSD. Et donc du coup, Blue Cheer se crée et du coup, il bosse sur le premier album qui s'appelle Vincebus Eruptum. Je ne parle pas couramment latin, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Et du coup, cet album s'ouvre sur ceci. Ouais, ça c'est métal. A battle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Alors du coup, messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire de ce morceau? Donnez-moi vos meilleurs adjectifs. Il y a de la grosse guitare saturée. Ouais. Il y a un esthétisme visuel comme au Hellfest l'année dernière. Alors, je t'avoue qu'ils ont vraiment le look stoner. T'as l'impression que les mecs, ils ont créé le stoner rien que visuellement. C'est-à-dire que ça, c'est tiré d'un live sur une émission de télé. Et franchement, rien que le batteur, on dirait cadavre. Quoi. C'est... En fait, ça s'entend avec les. J'ai l'impression qu'il a une voix de cheveux longs, tu sais. Ah oui, ah mais clairement. Exactement ça. Carrément, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'en fait, ces types de chanteurs tirent leur puissance vocale de leurs cheveux longs. Peut-être que c'est vraiment la. Génétiquement. J'ai eu les cheveux longs et je sonnais pas du tout. Comme ça. Ah, ouais, voilà, ça, mais moi j'avais 16 ans, tu vois. Alors, c'est une mission d'analyse musicale, donc le côté scientifique, bon, on repassera. Donc, du coup, sur ce morceau, moi ce qui m'avait marqué, c'est que du coup, déjà, on était sur des accords majeurs, là on passe sur des power chords, donc limite on entend à peine si c'est majeur ou mineur, et il y a même des accords qui paraissent plus mineurs. On est sur des tons bien plus graves, c'est-à-dire que vraiment le morceau est vraiment plus lourd au niveau de la basse et de la guitare. La batterie est vraiment hyper violente, elle marque vraiment le temps, on a des gros tomes qui résonnent. Le chant qui est moins mélodieux que l'original, mais qui est plus incisif, plus agressif. On a évidemment la distorsion de la guitare, les gros solos avec effets saturés, des gros bends exagérés, des longues phases aussi instrumentales. Donc c'est tout un ensemble en fait de choses qui fait que bah c'est vrai qu'à froid ça représente vraiment tout ce qu'on peut sous-entendre en tout cas du heavy metal. Ce qui est assez marrant c'est que l'approche entre l'original et la reprise est totalement différente. Mais la frustration des paroles, justement, l'histoire du gamin qui est pas content parce qu'il peut rien faire, parce qu'il peut pas avoir la voiture de papa-maman, eh ben, je trouve que c'est encore plus incarné par cette espèce de violence instrumentale. C'est qu'on passe un peu du gamin qui est tout mignon au sale gosse qui, limite, pourrait chourer la bagnole de ses parents pour aller défoncer des boîtes aux lettres avec une batte de baseball, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Blue Cheer donc, sort cet album en janvier 68. C'est un 6 pistes où il y a une trentaine de minutes, qui va suivre du coup cette même recette, un peu lourde, puissante, expérimentale, psyché, tout en restant blues dans la formule. Et ça va avoir une influence fondatrice dans des futurs sous-genres du métal, comme le stoner, le doom, on a bien sûr du rock expérimental, mais aussi sur le punk. C'est vraiment le côté minimaliste de on peut traîner sur 2-3 accords et vraiment qu'on bourrine, et ça passe. Alors pourquoi vous connaissez pas le groupe ? Eh ben parce qu'il y a eu beaucoup de changements d'effectifs, et ça dès la première année. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a été créé en 67, qui s'est arrêté en 2009. Le groupe s'est séparé et reformé au moins 3 fois. Il y a eu une trentaine de membres. Ouais. Une trentaine de membres. C'est-à-dire que limite chaque année, même au courant de l'année, il y avait des personnes qui changeaient. Et en fait, ça a duré en 2009 juste parce que c'est l'année où le seul fondateur original qui restait, qui est le bassiste et chanteur Dickie Peterson, est décédé. Sur, on va dire, quasiment 40 ans de carrière, ils ont eu un seul tube, Summertime Blues. Mais on pourrait se dire, oui, bon, finalement, c'est juste les premiers, ils n'ont pas eu un impact énorme comparé aux mégastars qu'il y a eu dans les années 70. Eh bien, pour vous, j'ai une petite liste d'accolades et de félicitations, on va dire, très, très, très VIP. À l'image de Jim Morrison, qui a dit à l'époque que c'était le groupe le plus puissant qu'il ait vu. Ah oui, ou Eric Clapton, qui a affirmé que Blue Cheer était probablement à l'origine du métal. Pour moi, le heavy metal, c'est plus une revendication esthétique qu'une étiquette de genre. C'est une sensibilité qui va bien au-delà d'un instrument ou d'un contexte social, et même d'un style musical, parce que finalement, quand on entend la musique actuelle, la façon dont elle est faite, il y a toujours cette lourdeur, cette saturation, on sent que c'est quelque chose qui marche toujours. Et donc, 50 ans après Summertime Blues, ce qui est lourd plaît toujours. Oh. Voilà. Le mec qui se permet très de finir belle... sur des rimes. Je finis sur très une belle... rime assez, un peu moyenne que j'ai trouvée difficilement, oui, mais qui bah... fonctionne. Elle est lourde. Elle est ta rime. Elle... Oh, ça, c'en est pas une, cochon, par exemple. Moi, il y a un truc vraiment sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que du coup, tu disais qu'il y avait plusieurs noms au début, au heavy metal, le heavy rock. Le hard rock, le downer rock. Ouais. Ouais. C'est quand même dingue d'avoir autant de noms à l'époque quand c'est créé, et maintenant à la Fnac de devoir tout trouver, tout ce qui est rock et compagnie, dans métal, quoi. Enfin, ouais. C'est juste. Voilà. C'est mon petit coup de gueule. Attends, tu veux un coup de gueule? C'est pareil pour toutes les musiques. Enfin, non, mais je suis complètement d'accord, mais Je savais pas que tu vois, on a le heavy rock, je n'avais jamais entendu parler. Le heavy rock, t'avais déjà entendu ça. Ça a pas duré longtemps ce nom-là. Ouais, mais voilà, en fait, souvent, il y a, enfin, t'as deux ou trois possibilités. C'est que soit c'est vraiment genre les critiques qui décident de s'inspirer d'un truc et qui disent que eux ils considèrent que ça sonne comme ça, donc on va dire heavy metal. Du coup, on dit que c'est de la, du heavy metal. Après, t'as bah, les maisons de disques et décident qu'on va appeler ça comme la new wave. La new wave, en vrai, ça veut rien dire, mais on a vendu ça en tant que new wave parce que ça fait nouveau. Et du coup, à partir de là, bah, ça s'est vendu plus facilement. Ouais. Et puis, après, le truc, c'est que c'est des termes aussi qui évoluent au fur et à mesure. Parce que du coup, ce qui avait un sens à une époque ne l'est plus forcément maintenant. C'est pour ça que heavy metal, ça a un côté assez daté, en fait, maintenant. C'est que heavy metal, maintenant, on va plus te dire non, c'est juste du heavy metal. Enfin, c'est juste du metal. Du heavy metal, ça fait penser ouais, au rock des années 70. Et du coup, ça comprend pas forcément tout ce qu'on va sous-entendre dans le metal. Mais en fait, ce terme, on va dire, c'est plus cette esthétique lourde qui, après, s'est transposée sur beaucoup de choses, quoi. D'accord. Donc voilà. Voilà, moi c'était juste. D'autres remarques ou questions? Non, mais moi j'ai bien compris d'où ça venait. Ça vient des métaux lourds, c'est tout. C'est ça, exactement. Du tableau périodique, moi je ressens exactement. Ça. Exactement. Non, non, c'est une jolie histoire, quoique un peu triste pour le groupe qui a bah ouais. 40 ans de carrière. Alors après, eux pour le coup, ils avaient quand même d'avoir des gros problèmes de drogue dès le début, quoi. C'est-à-dire que ton groupe. Oui, donc c'est on est d'accord, drogue, ça vient de tu la prends drogue, des drogues. Fait. Le mec. Justement, c'est dégueulasse, ils ont des problèmes de drogue, ils meurent en 2009, merde. Tu sais, il y en avait plein qui avaient des problèmes de drogue, hein. Ils sont morts plus tard. Oui, mais à l'époque, c'était un peu nouveau, donc peut-être que c'était une meilleure qualité, voilà. Bref, bon, avant donc de continuer vers la chronique de Léo, on va quand même se faire d'abord un petit jeu. Je vous présente donc le premier jeu que je vais vous proposer ce soir qui s'appelle Second degré ou pas. Donc le concept est assez simple, je vais vous faire écouter un bout d'un morceau. Je vous donne. Non, je vais même pas vous donner 2-3 infos pour l'instant, on verra plus tard. Non, non, ouais. Et après, vous me direz si selon vous la démarche est à prendre au sérieux ou s'il faut prendre ça avec du recul, de l'humour, du clin d'œil, bref, du second degré. Donc il n'y a pas forcément de réponse définitive, moi je veux plutôt votre avis là-dessus, et après je vous donnerai les informations que j'ai récupérées. D'accord. Là-dessus. C'est ce que j'avais demandé, t'as une réponse derrière, enfin ouais. Je veux dire, il y a un juste ou un faux quoi. On va dire il y a un juste ou un faux, après il y a des choses... C'est discutable quoi. Si on argumente c'est bon. C'est discutable, bah oui, de toute façon... De toute façon, je vais pas te dire non et te chasser de l'émission parce que j'ai besoin que tu parles après. On gagne quoi, la France ? Donc du coup, on va commencer avec ce premier extrait. The name of the song, you ready up there? The name of the song is Merry-Go-Round. Come on, let's merry-go, merry-go, merry-go-round. Merry-go, merry-go, okay. J'ai ma réponse. Merry-go. Pas ma réponse. Alors, quels sont vos avis? Moi, j'ai deux avis. Après... j'ai deux ouais, avis. Alors... J'ai la réponse juste et la réponse fausse. Je te laisse choisir, Manu. Alors, en fait, moi, je suis plutôt parti pour du... C'est pas du second degré. Et en même temps, je me dis, est-ce que je connais pas l'époque, je sais pas quand ça a été fait, donc ça a peut-être du foutage de gueule de Zappa, tu vois, genre des fois des trucs putain, un peu. Il est pas loin en plus. Du coup, je me dis, c'est peut-être du second degré parce que du coup, c'est du foutage de gueule de Zappa ou alors, enfin, c'est forcément lié. Enfin, ça me fait franchement penser à ça. Donc soit c'est, du coup, j'ai pas la réponse. Ok, on a une bonne piste bien chaude. Bah vas-y, donne une réponse à un moment donné. Tu penses, t'en penses quoi, Clem, toi? D'accord. Moi, je vais dire pas second degré. Pas second degré. Bah alors... du coup, je dis second degré. Cool. Ok. Alors, en plus, j'ai été un peu méchant parce que j'ai commencé par un exemple qui est pas facile à déterminer parce qu'on est un peu entre les deux. En fait, il s'agit de Wildman Fisher, qui est un artiste de rue. Alors, faut déjà pas savoir que c'est un mec qui a passé une bonne partie de sa vie dans la rue ou dans des institutions psychiatriques. Le mec est schizo-paranoïaque et bipolaire. Et pourtant, le mec a une jolie carrière. En fait, il s'est fait connaître en improvisant des chansons a cappella dans les rues d'Hollywood. En fait, il se faisait payer genre pour une pièce et il disait bah, je vous improvise un truc. Et du coup, le mec était tellement remarquable qu'il a fait plusieurs parties de groupes très populaires dans les années 60. Et du coup, en 68, il sort un double album, An Evening with Wildman Fisher. Je vous montrerai la photo parce que ça vaut le coup d'œil quand même. Et qui a été produit par Frank Zappa. Frank Zappa en 68, et du coup, dont est tiré le morceau que je vous ai fait écouter, Merry Go Round. Donc, il est un peu considéré comme le boss de la musique d'outsider, quoi. C'est vraiment le mec limite inclassable qui est sérieux dans sa démarche et qu'en même temps est complètement un ovni. Et du coup, Frank Zappa, d'ailleurs, pensait que cet album, il fallait l'écouter plusieurs fois avant de décider si on aimait ou pas, et que ce que représente Wildman, enfin, de savoir à peu près ce que représente Wildman Fisher, il disait, il a quelque chose à vous dire, même si vous ne voulez pas l'entendre. Donc du coup, je me pense qu'il faut, pas, il faut quand même prendre cet artiste au sérieux. Non mais il y a un truc, c'est groovy, attends. Bah ouais. Non, mais il y a pas rien. C'est juste, c'est, en fait, attends, moi, le mec fait un double album. En vrai, ça me fait trop. Non mais ça me fait trop penser à toute la. Je vais ramener ma science à la con, mais genre ça me fait tout penser au Living Theater, un mouvement, enfin gros mouvement qui part de, en gros, de mai 68, enfin de tout le Summer of Love, et qui du coup faisait des espèces de trips chamaniques comme ça, où c'est inécoutable, inregardable parce que ça part complètement en live, mais c'est hyper profond et hyper puissant. Ouais. Donc en fait, on est dans ce truc-là de la folie qui transforme, enfin la musique transcende la folie, quoi, un peu. Je c'est ça, c'est quelque chose qui passe pas inaperçu, en fait. Donc du coup, j'ai gagné. Ouais, mais j'ai c'est second degré ou pas, du coup? Lui, il le fait en tant que second degré ou non, pas? Non, lui, fou, il le fait sérieusement. Quoi. Enfin, ouais, mais du coup, est-ce qu'on peut pas dire que c'est du second degré de la normalité telle qu'on l'a définie à tout... Non, bon, ok, j'ai je savais que cet exemple était chiant. Mais je voulais quand même, ça valait le coup de répéter ça. Mais non, après... Et qui gagne. Et qui gagne pour très sincèrement, je pense que pour l'instant, on va pas se faire chier à chercher qui gagne sur ce jeu-là, parce que ça va être compliqué. Bon, allez. Deuxième extrait. Allez, faire écouter. Alors, si tu dis pas de bêtises, le morceau est assez long. Je pense que tu peux avancer vers les 3 ou 4 minutes, parce que le truc doit faire 11 minutes. Ah ouais? Ouais, non, ouais. Alors, on avance tranquillement. On va faire un saut dans le temps. C'est une chèvre? Ah, c'est vachement bien. Ah non. On fait un saut dans le temps. Alors messieurs, votre avis sur ce moment? Clément, je te propose de commencer, puisque difficile. Ça a été mon tour la première fois et que j'ai donné des bonnes réponses. C'est moi qui ai donné... Oh, c'est bon. Alors moi, je dirais pas second degré, encore une fois, parce que ça me fait vachement penser à d'autres trucs que j'ai déjà vus en concert, en festoche, parce que je paierais pas pour ça. Mais tu sais, le genre de truc, genre musique viking avec des instruments préhistoriques et des machins comme ça. Ouais. Donc, et pour moi, ces mecs-là, en live, ils n'étaient pas du tout second degré. Et donc, pour moi, c'est pas second degré. C'est vraiment une démarche artistique. C'est vraiment une démarche artistique, voire même limite historique, tu vois. Ok. Ouais, Léo, t'en penses quoi ? C'est vrai que du coup, tu parlais des vikings, mais limite, est-ce que c'est pas plutôt des Amérindiens, des trucs dans le genre ? Je sais pas, mais t'es un truc dans le délire. Oui, mais en fait. Une pente du sang. Enfin, en tout cas, non mais je non, mais savoir. Avec les, en fait, avec les trucs, ouais. Tu vois, genre le est-ce côté que... qui gueule, mais en même temps, j'en ai aucune. En fait, c'est trop dur ton truc parce mais... que. Oui. C'est bah, possible. Attends. Non, mais c'est bien, tu vois, genre. Mais en fait, c'est pas. Je savais pas vous mettre du Philippe Catherine. C'est que t'arrives pas à savoir. Enfin, moi, je trouve ça trop. En fait, je trouve ça trop barré, trop poussé pour faire un morceau de 11 minutes pour que ça soit du second degré. Donc, du coup, je rejoins Clément sur le fait que ça n'en est pas. Alors. On fait bloc. Vous faites bloc et vous avez bien raison. Oui. Parce oui. que. Vous avez entendu cette fraternité marquée par un tapement de main. Il s'agissait de notre Diamanda Galas, une artiste avant-gardiste américaine, qui du coup voilà, est remarquable pour son apparence et performances scéniques assez provocatrices. Et c'est une activiste qui a le surnom de Diva des Dépossédés. C'est un peu une icône gothique. Et du coup, le morceau que vous avez entendu, il date de 1991. C'est l'enregistrement de l'album Plague Mass. Donc du coup, cet album Plague Mass a été enregistré dans une église new-yorkaise. Et en fait, c'est une sorte d'attaque assez virulente contre l'attitude de l'église catholique à l'égard de l'épidémie de sida. Donc voilà, donc madame a représenté ça et par bien, cette façon. J'étais très loin. Non, moi j'avais le fond. Tu mais vois. Vous, oui, au moins vous avez j'avais compris le sida, je l'ai pas dit tout à l'heure parce que du coup je me suis dit que c'était pas ça. Et ben du coup on va enchaîner maintenant sur un troisième extrait qui est peut-être plus facile. ça c'est heavy metal. Ah, je regrette mes cheveux longs là, tu vois. C'est pareil, pas moi. Oui, c'est bon. Alors, messieurs, votre avis ? Léo, je te laisse la primeur cette fois-ci. Je prends la main. Non, je laisse la non, main. Non, laisse la main. Bah, écoute, moi, je vais partir sur c'est du second degré parce que pour l'instant, on a eu que deux extraits qui étaient pas du second degré. Ah ouais, t'es le genre de casse-couille qui commence par élimination. Non, plus honnêtement, enfin, en fait, c'est juste que je trouve la musique beaucoup trop bien foutue. Du coup, je me dis que ça doit être forcément du second degré pour ramener un truc. Surproduction ? Ouais, tu vois, genre un truc, tu vois, genre jeu, du, ouais. Tu sais, du délire là, je sais plus comment il s'appelle, mais ceux qui faisaient Mad Dick in the Box, tu vois, genre. Un truc de Saturday Night. Ouais. Ah, Saturday Night. Un truc du Maurice, enfin, tu vois, ouais, d'accord. Après, je vois les noms des chansons en face de moi, donc du coup, je triche un peu. C'était dans ce salopard, bah. Mais en fait, je sais pas, enfin, je connais, mais bref, vas-y. Clem, un avis impartial ? Alors, impartial, non, parce que je vais donner mon avis, du coup. Bon, bah, un avis neutre sans tricher. Bah, du coup, moi, pour moi, c'est second degré complet. Ouais. Je sens la petite parodie, tu sais, un peu comme... je sais plus comment s'appelle ce morceau. White Limo des Foo Fighters. Ouais. Bah, tu vois, c'est un espèce de truc un petit peu ego trip, on va dire. Donc pour moi, c'est second degré. Ok. Et bien, du coup, c'était Steel Panther. Donc, c'est Steel second Panther, degré, du coup. Avec, le titre, déjà, c'est Death to All But Metal. Donc, mort à tout sauf. La mort pour tout sauf pour le métal. Mm-hmm. Donc, il y a un groupe parodique des années 2000 qui reprenait avec dérision et exagération les codes du glam metal des années 80. Je vous ai pas montré le clip parce que limite c'est trop là. Ça fait mais voilà. C'est vrai que tout dans la sonorité, tout dans le chant, il y a même des clichés, ils reprennent même des moves de trucs de Guns N' Roses, des trucs comme ça. Ça se ressent vraiment dans 40 secondes. C'est un groupe ultra second degré, Steel Panther, ouais, il me semble. C'est ça. Parce qu'il me semble les avoir vus dans une émission un coup et je m'étais dit waouh. Ah oui, non, c'est vraiment tous les clichés du glam metal. Du coup, est-ce que c'est vraiment du second degré quand tu fais de la musique à cette. Enfin, quand vois, tu de fais cette de la musique qualité... au second degré. Non, enfin... mais quand tu fais toute ta carrière sur du second degré et tu commences à faire des gros concerts, est-ce que c'est vraiment du second degré ou est-ce que c'est de l'hommage, tu vois? Ultra vomite. Ouais, voilà. Bah ouais, c'est non, ça, mais tu vois. C'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire qu'il y a un moment où t'as tellement d'autorité et tes compositions réussissent à être suffisamment sophistiquées pour que tu te dises putain, les mecs, ils feraient un son sérieux, ils seraient vachement bons. Et ouais. Mais ça reste du second degré. Ouais, enfin c'est le ouais bon ok. De leur part, ça reste du second degré et c'est interprété, c'est vendu comme. Oui oui non mais d'accord. Quand tu te lances dans le second degré, c'est enfin la musique parodique, c'est un genre on va dire, donc ouais pour moi le second degré ça reste du second degré. Ok. Passons au quatrième. Alors là, celui-là il est gratiné. Faut qu'on avance aussi. Bon, vas-y attends. J'ai l'impression que l'intro est génial. Ouais. Musique de la Blaxploitation. Non, pas du tout. Alors, celle-là, elle est dure. C'est la main. C'est à moi de commencer ? Je laisse. Ah putain, tu laisses la main. Alors, moi, ça dirait... Putain, alors, au début, j'allais dire pas second degré, et j'ai été très surpris par la tournure du morceau à un moment donné. Ouais, donc, ouais. Du coup, en fait, je me dis, bah, second degré, pif, paf, pouf, pas second degré. Pas second degré. Ouais. Est-ce que t'as les paroles par contre ? Ouais. Ouais, mais alors du coup, j'allais vous en parler un petit peu parce que. Ouais, bah du coup, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais alors, du coup, moi, je vais taper dans le second degré parce que ce que j'en ai compris, ça part trop en live. Pour que... Alors, en fait, c'est du second degré, je dirais vraiment humour noir. Alors, déjà, que je vous dise un petit peu. Y a autant sur les autres cas, j'ai fait un peu de recherche sur des trucs chelous, un peu au pif. Autant, il y avait un groupe où je me suis dit, eux, ils ont vraiment leur place là-dedans, c'est Win. Est-ce que vous connaissez Win, qui sont les auteurs de la chanson Ocean Man ? Oui, c'est ça. J'ai non, mais je sais que j'ai gagné. Et que du coup, c'est un... Et je te félicite, Léo. Et moi, je te félicite pas. Oh. Allez, je te félicite quand même. Je suis sympa. Et du coup, Ween, c'est un groupe. Enfin, pour moi, c'est un peu le groupe qui a la discographie la plus fourre-tout du monde. C'est-à-dire que c'est du rock expérimental, c'est un peu basique, mais en même temps, enfin, écouter un album par rapport à un autre n'a aucun rapport. Et cette chanson s'appelle Spinal Meningitis, donc méningite spinale. Cool. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'on entend, c'est un enfant qui dit à sa maman qu'il a peur parce qu'on va lui faire une ponction lombaire et qui se demande s'il va mourir. Putain, j'ai osé dire que c'était pas du et du coup le refrain c'est méningite spinale. Tu te démerdes. Tu te démerdes. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu as, enfin, il y a vraiment ce contraste entre le couplet et le refrain. Ah ouais. Où limite le couplet tu fais c'est chelou, mais du coup c'est une blague ou pas. Et t'as le refrain où à un moment tu dis putain c'est tellement presque pop que tu pourrais dire que c'est une vraie chanson, et en même temps ça apparaît tellement perché que cette Mais maintenant que tu me dis que c'est Ween, en fait du coup ça m'étonne pas du tout, parce que pour avoir écouté pas deux albums mais deux trois titres, effectivement c'est complètement c'est incompréhensible. Enfin, c'est vraiment le groupe, faut toujours se dire que c'est des second degrés, parce que il y a des fois ils te font douter. Vous vous sentez seul? Moi aussi, j'en ai jamais entendu parler. Ah ouais. Dernier extra à vous faire écouter. J'adore la maquina. Léo, je te laisse la main. En fait, allez, je pars sur du c'est pas du second degré. Ok. Pourquoi? C'est facile de dire. Parce que j'en ai aucune putain d'idée et que genre de la maquina comme ça, c'est tout à fait possible. Ouais, je suis d'accord. Et que je vois pas pourquoi ça serait forcément du. En fait, c'est le problème, c'est que c'est du un peu du lancer une pierre dans les airs. Enfin, une pièce. Oui. Voilà. Au pif. Au pif. Alors moi je vais rejoindre Léo, c'est pas du second degré parce que. Franchement, attends, tu veux pas faire la dernière en mode 50-50? De quoi? Mais tu veux pas faire... je fais pas en mode 50-50. De quoi? Mais non, mais comme ça on sait qui a gagné la première manche. Mais il y a perdu, pas de si gagnant. Il compte pas les points depuis tout à l'heure, toute façon. Mais moi je les compte. Mais il y a un jeu à la fin pour ça. Bon bah on fera le jeu à la fin, ok. Ok, tu verras. Là c'est un jeu pour pas gagner. Ok, d'accord. Là c'est une animation, on va dire, tu vois. Alors moi je dis pas second degré parce que pour avoir vouloir faire chier des potes en soirée, oui. Taper des trucs improbables genre Jacques Brel remix techno, je suis tombé sur des trucs qui existent vraiment et qui sont pas forcément du second degré, donc du coup pour moi c'est pas du second degré là, avec le coup du Can't Help Falling in Love with You derrière, c'est vraiment un truc qui a été repris et derrière ils ont pris la trame et ils ont refait leur chanson. Et alors Zoé ça s'écrit Z.O.E. E avec tréma, point E avec tréma. Donc déjà pour trouver le groupe c'était Zoé. Cool. Zoé. Le morceau s'appelle Techno Wonderland. Techno avec deux K quand même, je tiens à préciser. Ah ouais, cool. C'est de la dance allemande des années 90. C'est forcément pas du second degré. Alors, c'est sûr. Non, mais voilà. Pas. Déjà, en fait, pas écrire. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai écouté le morceau, que j'ai entendu du coup la chorale d'enfants qui réadapte du Elvis, parce que c'est Can't Help Falling in Love with You. Qui est repris derrière, on a la meuf derrière qui fait enfin voilà, vraiment la meuf vraiment à fond, donc les cœurs sont vraiment généreux, et du coup on a pourtant derrière un truc bien techno, bien bourrin, et du coup j'ai cherché le second degré et je me suis dit c'est une blague de producteur qui s'est dit je vais reprendre un vieux truc des années 50 à la con puis je vais refaire ça en mode dance pour faire un tube à la con, et en fait bah ça me paraît trop propre en fait. Donc, trop carré et donc t'as pas une vraie réponse dessus quoi. Là, non, parce qu'en fait tu sais que c'est un artiste. Finalement, tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'un mec a analysé le truc et il revient tout de suite à la même conclusion, c'est qu'il dit que le mec a essayé de chercher un peu si c'était pas ironique et dit mais en même temps c'est complètement absurde et en même temps bah ça a l'air complètement sincère la démarche en fait. Il y a rien qui paraît faux quoi. J'ai l'impression d'être dans Kirby. Mais non, mais t'as tellement de maquina tout, enfin. pardon, pété, mais genre vraiment tous les trucs à la con, comment ça s'appelle, genre du Red Hot Chili Peppers remixé en version techno. Non, mais les gens sont sérieux et ils kiffent. À la rigueur, mais si tu veux, je vous ai mis du Queen Autotune tout à l'heure, c'est pareil, tu vois, il y a déjà un mec. C'est un peu du second degré, ça. Non, mais c'est complètement du second degré, ça. Mais je veux dire, il y a tout qui existe maintenant. Mais après, t'en as aussi, ou des fois. Les années 90, c'est tôt, quand même. Enfin, c'est tôt. Bah, ça, c'est la. Non, mais ouais, non, ça passe bien, mais je veux dire. Toi, je pensais que c'était un truc que t'aurais trouvé sur Internet, qui était sorti que sur Internet. Eh ben, je t'avoue que j'ai du mal à retrouver, à part. Ouais, carrément. À part, ouais, je te dis. J'ai trouvé ça sur. Je sais même plus, c'est un mec qui faisait un top des chansons cheloues. Sur Mojo Music. Top ouais, des chansons. Ah, Mojo Music. Non, mais, ouais, y a un truc. Donc voilà, donc, après ces 5 extraits plus ou moins second degré, je vous propose donc d'enchaîner vers la troisième et dernière chronique de Léo, qui sera consacrée donc à la TB 303. This is S. I'm getting S. Bon, comme. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, on va parler d'acide. Mais qu'est-ce que l'acide ? L'acide, c'est un suffixe, un sous-genre de musique électronique associé à la techno, la trance, le hardcore, et qui a commencé par la house. Et justement, ici, on va surtout parler d'acid house. Ce qui fait la caractéristique de ce ou ces sous-genres, c'est le son liquide, agressif, poétique et futuriste, qu'on pourrait justement associer à quelque chose d'acide. Ouais, c'est hyper difficile de décrire un son, du coup, je vais vous en faire écouter un petit extrait. Merci la magie des émulations. Donc, ce son de piou piou piou piou piou est produit initialement par une petite machine en plastique de la marque Roland. La TB-303 pour transistor basse. 303. Elle a été créée en 1980 par Tadao Kikumoto, un fameux ingénieur de la firme japonaise. Le fameux. Oui, et il a également dans son palmarès deux des grands succès qui vont changer à jamais la face de la musique, genre juste la TR-808 et la TR-909. Enfin, ouais. Juste ça, quoi. Merci, Roland. Ouais, merci. Cette machine a l'allure d'un jouet en plastique, pèse seulement 1 kg. Elle est initialement conçue pour être un émulateur de basse servant à accompagner les guitaristes dans les répétitions. Techniquement, c'est un synthétiseur à synthèse soustractrice très simple. Un oscillateur d'onde si ou carré, un filtre passe-bas et un séquenceur intégré avec une mémoire limitée. Peu de contrôle, mais une modulation de la résonance et de l'enveloppe qui lui donne une facilité d'utilisation pour du live et ce son si particulier et acide. Commercialisée de 1982 à 1984, elle fut un échec commercial et vendue à seulement 20 000 exemplaires, donc que dalle. Effectivement, la machine n'accomplit pas son rôle d'émulateur de basse accompagnatrice de guitare. Le son est bien trop électronique, le séquenceur bien trop compliqué à programmer et très instable. La TB-303 tombe dans l'oubli. Jusqu'en 1986. À Chicago, dans la deuxième partie des années 80, le mouvement et la musique house ont pris leur essor et gagnent en notoriété. Partie du club gay, le Warehouse, dont le genre tire son nom, cette musique est devenue celle de la fête, d'une forme de contestation et de l'émancipation de la communauté LGBT. Dans cette scène en mouvement, les producteurs proposent leurs morceaux aux DJ pour les tester en club. C'est le cas notamment du trio Future, composé de DJ Pierre, Spanky et Orbj. En 1986, ils récupèrent une TB-303 dans un magasin d'occasion et commencent à triturer les potards, et avec lui le son. Ils créent un morceau qu'ils donnent à Ron Hardy, alors DJ résident du Music Box, le Warehouse qui a changé de nom. Ron Hardy joue donc le morceau deux fois dans une soirée, mais les danseurs ne sont pas réellement réceptifs. À la troisième, les gens deviennent fous, se mettent à danser dans une sorte de transe. Ils finissent par appeler ce son Ron Hardy's Acid Track, ce qui donne le nom du morceau Acid Track. Avec cette petite base de TB-303 qui arrive de nulle part. Futurs sont connus pour être les premiers à utiliser la TB-303. Le premier son d'Acid House est né, et avec lui, la musique électronique va prendre une autre ampleur. Mais en fait, peut-être que non. Le trio Futur est sans conteste l'inventeur du terme. Ce sont des fondateurs du sous-genre Acid House. Mais sont-ils vraiment les premiers à utiliser la TB-303 pour en créer de la musique enregistrée ? Oui. Non. Bah, non. Entre, bah, en fait. Second degré. Bah ouais, en fait, non. Parce que ah sinon, ouais parce non que sinon, je serais pas en train de vous en parler, en fait. Ah, c'est gentil. Finalement. Déjà, oui, on observe dès 1985 quelques morceaux de house music utilisant la TB-303. Je remercie Discogs pour le coup, parce que j'en ai trouvé quelques-uns, 5 particulièrement. Dont justement un qui m'a marqué pour sa similarité avec Acid Track. C'est le son Air Tracks, comme quoi ils sont fans, de Night Action. Avec ce petit son de TB-303 qui arrive. Vas-y, je t'écoute. C'est quelle année, ça ? 85. Donc, il y a peu d'informations sur ce Night Action, excepté que c'est un producteur du nom de Dwayne Town Jr. Bon, sinon, on retrouve d'autres utilisations de la TB-303 dans des morceaux de style très différents, peu après la sortie du synthétiseur. De l'italo-disco au funk, en passant par la chanson française, ces apparitions sont plutôt anecdotiques et peu intéressantes pour la chronique. En effet, elles sont soit très courtes, soit la boîte magique est utilisée comme un simple émulateur de basse sans ce son acide. Justement, ça rejoint un peu la question de est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que c'est vraiment de l'acid house, ou est-ce que c'est juste de l'utilisation d'un outil. Ouais. On va quand même noter un peu la présence de nos chers chagrins d'amour qu'on retrouve ici. Non. Avec le morceau Monte Carlos en 1984. Écoutez-moi ce petit solo de TB-303. C'est très court. Voilà. C'est mais vraiment putain, très mais, court. Mais Chagrin d'amour, ils sont pionniers dans combien de trucs ? Bah, en fait, c'est ce que j'allais dire. Le duo, il est vraiment à la pointe entre la TB-303, le premier morceau de rap en français. Ils ont vraiment du flair. Bref, il semble difficile de retracer exactement qui est à l'origine du premier morceau utilisant le désormais très fameux Transistor Bass de Roland. Pourtant, un nom semble se dessiner. Celui d'un précurseur, celui d'un musicien qui aurait créé le premier morceau d'Acid House. Il ne vient pas des États-Unis ni d'Europe. Je vous laisse découvrir un extrait de son album créé en 1982. Et vous me direz d'où il vient. De Mars. Attends. Attends les premières notes. Et c'est 82. Déjà, cette petite ligne de basse est très crémeuse. J'aime beaucoup. Oui. Alors, j'aurais dit Allemagne. Allemagne ? On a quoi ? Alors, j'ai pensé à l'Allemagne aussi. Je vais vous donner un indice. Les sonorités... Enfin, il faut oublier les sonorités. Il faut vraiment entendre la mélodie. Ouais, justement, c'est pour ça que j'hésitais entre URSS ou alors... des trucs complètement opposés, tu sais. Ou alors un pays du Maghreb. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, effectivement, on est plus proche des pays du Maghreb. On plus part sur un Indien. Plus oriental, c'est un Indien. C'est un Indien. Je me suis posé la question. Donc, bien loin de la scène vois, URSS, house. URSS, Maghreb, ouais. Tu fais une moyenne. Voilà, il y a tort encore. Donc, bien loin de la scène house de Chicago, Charanjit Singh, pardon pour l'accent, il a alors 42 ans en 1982 et travaille sur des musiques de films de Bollywood, ce qu'il va faire à peu près toute sa vie. Donc, Ten Raga to Disco Beat... l'album, n'est autre qu'un album justement de raga, pas le rap mixé avec du reggae, on est d'accord. Non, le raga, dans la musique indienne, ça désigne un cadre mélodique, en fait une improvisation autour d'un thème. Ici, le musicien et producteur indien se met dans une posture d'improvisation avec des instruments électroniques et répète un même mouvement sur 10 morceaux différents. En fait, c'est 10 mêmes départs avec des couleurs différentes et il amène avec ces mêmes instruments une ambiance différente à chaque fois. Cet album, il est longtemps resté inconnu. En 2002, Edo Boonman, un collectionneur de musique, découvre le vinyle dans un magasin à Delhi. Très surpris par la date d'édition, parce que je vous l'ai dit, 1982, donc vraiment très tôt, il retrouve Charanjit et finit par rééditer le vinyle en 2010. Tellement en avance sur son temps, cet album a longtemps été considéré comme, par certains comme un canular, genre une falsification dans le but de faire parler le label de Edo Boonman. Charanjit est mort en 2015. Il a eu le temps d'avoir la reconnaissance et de la paternalité d'une œuvre pionnière en termes de musique électronique. Mais trop éloigné de la scène house, il ne semblait pas comprendre quel visionnaire il a pu être. Et dans une des rares interviews qu'il a pu donner au Guardian en 2011, il découvre l'acid house en 2011, genre 30 ans après. Et il ne semble pas convaincu par la simplicité de futur, juste la ligne de basse au-dessus d'un kick et d'un snare. Donc, Charanjit Singh, c'est très difficile. Ce musicien indien de Mumbai aurait été le premier à utiliser la TB-303 et surtout considéré par certains comme l'inventeur de l'acid house. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que être le premier à créer un son qui semble être de l'acid house avec l'instrument phare de ce style suffit-il pour en être le créateur? Je vais répondre par la négative. C'est ma chronique, je fais ce que je veux. Ten Ragat ou Disco Beat ne peut pas être le premier album d'Acid House, puisqu'il n'est même pas associé à la scène house, géographiquement, mais aussi dans la démarche créative. Ouais. La house s'inscrit aussi dans une envie de faire la fête, de libération, ce qui n'est absolument pas le cas du musicien indien. Peu importe qui est le premier, qui a eu l'idée originale. Ce n'est pas ça qui fera de vous une légende. Futurs garderont, avec le morceau Acid Tracks, ce statut d'inventeur de l'acid house. Peu importe s'ils retrouvent le premier album d'acid house de tous les temps, futurs resteront ceux qui ont influencé le mouvement et ceux qu'on a copiés et imités par la suite. Reste que Charanjit est un visionnaire et que son œuvre est vraiment intéressante. Elle fait découvrir un pan d'une culture qu'on connaît que finalement très peu. La musique indienne, on en a peu entendu. Alors, est-ce qu'on n'oublierait pas un peu les dates pour nous concentrer sur l'essentiel, la musique? C'est une très bonne question. Vous avez 3 heures. Mais ouais, non, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que si... c'est un peu la difficulté dans le jeu de se dire qui c'est le premier qui a fait ça, qui est le premier qui a fait ça. C'est vrai qu'on peut avoir des artistes qui sont complètement indépendants, qui font un truc. Mais c'est pas pour ça que ça représente une scène musicale. Et en soi, la TB-303, t'as dit que ça avait été créé quand déjà? En 82. Enfin, ça a été inventé en 81, mais ça a été commercialisé en 82. D'accord. Et ça a fait un four commercial? Ça a fait un four. Mais parce qu'en fait, si tu veux, le truc, c'est que la TB-303, c'est vraiment c'est censé être un émulateur de basse pour accompagner les guitaristes. À quel moment vous prenez ça, les gars, pour vous accompagner à la guitare? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Non. Enfin, c'est juste, faut se remettre dans l'époque en fait. En 82, donc les moyens sont beaucoup moins bons. Faut aimer des expériences, quoi. Et faut aussi se rappeler que, alors, je vais rajouter un petit truc, c'est que la TB-303, il y en a certains qui disent que c'est pas forcément son son qui a fait son succès, mais c'est en fait c'est aussi son séquenceur qui est hyper particulier, qui en fait que si t'enlèves les piles, tu les remets, la séquence elle a changé, mais elle crée quelque chose d'intéressant. D'accord. Donc il y a un côté un peu aléatoire du son. T'as un côté aussi technologique derrière, technologique ou. Le côté un peu simplicité du truc, et en plus avec ce petit bug qui fait que ça devient encore plus intéressant, ça te permet de faire des trucs nouveaux, quoi. Juste à savoir, le mec l'avait acheté DJ Pierre, il raconte dans une interview qu'en 1986 il l'a acheté $40, aujourd'hui ça vaut 2000 boules. Oh purée. Voilà. Mais... les boules en dollars, ça fait quoi? Ça fait à peu près pareil. Et juste pour savoir, c'est un objet qui est facile à modifier ou finalement c'est vraiment un truc qu'on utilise tel quel? Est-ce que c'est le genre de truc typique où il y a des presets, on les utilise, ou alors... T'as vraiment aucun preset en fait, si tu veux. T'as 5 potards, quoi. Enfin, t'as 5 trucs à bouger. Enfin, t'as vraiment rien du tout. Hein. C'est une toute petite boîte qui fait juste une émulation de basse. C'est du monophonique, donc c'est qu'un seul truc. Mais en fait, la petite boîte, elle a révolutionné absolument toute la musique rave. En fait, toute la musique rave, elle vient de l'acid house. D'accord. Donc elle vient de cette boîte de Roland. Et toute la musique rave, elle vient aussi de la TR-808 et de la TR-909. Donc en fait, du même ingénieur. Juste. Ouais. Voilà. Ouais, faut savoir d'ailleurs que la marque Roland, donc c'est... Non, non, mais en tant que fan de comics, Terre 808, si tu veux, pour moi, dans les comics, c'est des terres à part. Donc j'ai l'impression que tu me parles d'une technologie qui vient d'une autre terre, d'une autre dimension, tu vois, et ça me fait vachement marrer. Voilà, désolé. Mais justement, ça rejoignait un peu votre deux chroniques avec qui a été premier à utiliser cette chose-là et qui a été le premier inventeur de ce style-là. C'est ça, ouais. Ça va, enfin... Donc finalement, on a une cohérence dans ce qu'on a fait entre technologie et esthétisme. Bon, putain, oh là là. C'est beau ce qu'on fait. Non, putain. Donc maintenant qu'on a fini de travailler, on va rejouer un petit peu quand même. Et donc je vous propose de jouer. Ah là, ça sera été un petit peu plus simple. On va jouer à la cuvée. La quoi? La cuvée. La cuvée, tout simplement, de quand ça date. Donc très en fait, je vais vous passer des extraits de morceaux. Je vous demande pas l'artiste, le titre, ni même la couleur de la pochette. Mais vous devez estimer la date d'enregistrement selon le style, la technologie, les méthodes d'enregistrement, de mixage, enfin tout ce qui peut vous donner ou titiller l'oreille. Donc je vais vous laisser, on va dire, une quarantaine de secondes, peut-être presque une minute de dégustation, et après vous me donnerez vos arguments. Alors, vu que c'est pas facile de déterminer une année propre, je vais vous donner une tranche de, allez, à 3 ans près. Ah, t'es sympa. Ça va. Au début, je voulais vous laisser plusieurs possibilités, mais en fait... C'est sympa parce que j'allais dire à 5 ans près, déjà, ça devient trop facile. Ouais, voilà. Donc, à 3 ans près, et je verrai si vous êtes trop fort, peut-être que je reviendrai. À 6 mois près. Donc, il y aura au total 8 extraits. Et du coup, le premier à 5 est un gros winner. Et il remporte la dernière bière ou la possibilité de choisir la prochaine chronique. Ok. Le thème de la prochaine émission. Bah, si tu veux, ouais. Allez, on le fait comme de ça. La prochaine bière. Le thème des deux. Donc du coup, premier extrait, c'est parti. Next month, when the United States of America fires the largest booster in the history of the world into space for the first time, giving us the lead, fires the largest payload into space, giving us the lead. Will be the largest payroll too. Avancer de. Parce que c'est un morceau qui est très long, tu peux l'avancer, je pense, de 3-4 minutes pour que vous ayez une autre à peu près idée. Ouais, c'est vachement bien. Alors, messieurs, de quand ça date? Moi, j'ai une petite idée, mais je vais pas du tout être précis. T'as réfléchi ou pas, toi? De quoi? Tu vois à peu près ou t'as une idée? Ouais, mais je sens que tu vas vouloir que je le dise avant pour essayer de me baiser derrière. Non, mais moi j'ai déjà mon truc en tête, Non, alors moi je dirais 71. Ok, Léo. 1901. Ça va, il y a que tu moi, je vais dire 52. Oula, carrément. 52? Ouais. 52? Ouais. T'es sûr? Okay. Mais non. Moi je trouve que tu dois. Alors, d'abord. Vas-y, change, alors, mec. Du coup, pourquoi 71? Alors, parce que j'ai cru comprendre dans le petit speech au début qu'il parlait de conquête spatiale. Ouais. Et je sais que le pied sur la Lune, c'est 68 ou 69. 69. 69, ouais. Hein, c'est ce que je me disais. Et je me disais peut-être pas l'année d'après, mais peut-être l'année encore d'après, ouais. Donc 71. Ok. Et il voilà. Y a pas qui c'est le seul truc qui t'a un petit tillé l'oreille? Ouais, ou même... grave. Non, derrière au niveau de la prod, ça me fait penser un peu à des prods de David Bowie, des trucs comme ça. Mais ouais, mais de ouf en fait. Donc du coup, 54, je te trouve vachement sympa. Ah, tu mais en 52 fait... Non, mais en fait, c'est parce que j'ai entendu des trucs qui m'ont fait penser à d'autres trucs, Non, qui mais j'étais en train d'écouter un morceau d'Elvis en même temps. Est-ce que non mais parce que en fait, ça me fait penser à des trucs, ça me faisait penser au premier générique de Doctor Who en fait. Ah. Tu veux dire sur le... Oui. Ouais, tu vois, genre sur un truc dans le genre. Mais en fait, vu qu'il y a la voix, j'étais parti sur un truc genre à la Beatles. Et donc, en fait, j'ai envie de me redécaler un tout petit peu dans le temps. Est-ce que j'ai le droit d'avancer vas-y, un petit peu? Que j'ai donné les arguments. Est-ce que j'ai le droit d'avancer à 62? Ok, mais ça change rien. J'ai perdu quand 73. Même. 73. Ouais. Alors, il s'agit de Oral Graphic Entertainment. La piste donc s'appelle Programme 10. Et encore, là, c'est que la partie 1 de la chanson qui doit durer genre une vingtaine de minutes. Donc ouais, 73, on le reconnaît parce que donc bon, il y a le côté conquête spatiale, c'est vrai que c'est un... et même il y a l'expérimentation Sonic qui est derrière. Cette espèce de mélange parce que il y a un peu de sampling. En même temps, le côté très guitare acoustique, c'est vrai qu'il fait un peu Beatles, qui fait un peu Bowie aussi. Et puis ce synthétiseur en fait qui est très marqué aussi années 70. Et du coup, voilà, c'est vraiment, on va dire, un morceau typique de son époque, donc 73. Donc, on va pouvoir passer. Donc, Clem prend le premier point. Un point. Léo est un petit peu dégoûté. Non, non, mais ça va, c'est pas grave. Et du coup, on va attaquer avec le deuxième extra. C'est à moi de commencer là du coup. Ah ouais, c'est à toi de commencer. T'as déjà réfléchi parce qu'il faut que je réfléchisse un peu. Putain, vous avez tout le temps de la chance. Non, mais je commence. Je suis très très mauvais, mais ça, je vais repartir dans mes années 50-60 là. Ok. Je vais dire 58. 38 après Jésus-Christ. Je vais dire 58. 58, c'est peut-être un peu tard. Clem. Non, c'est, pour moi, t'es trop tôt parce que moi, j'allais dire 60. Pour moi, c'est du 60. Et en fait, je suis en train d'essayer de me recaler parce que du coup, la guitare me fait un peu penser à un effet doucement fuzz, on va dire, qui a été du coup inauguré sur I Can Get No Satisfaction, qui je crois est en 1960 et quelques. Et c'est là où le bas blesse parce qu'en fait, allez, pour le fun, je dis 1965, ce morceau, ton extrait, hein, pas ouais. I Can Get No Satisfaction. Alors, 65. Donc c'était Link Wray qui est un des pionniers d'un style un peu rock'n'roll, un peu plus brutal. J'ai failli en parler tout à l'heure dans la chronique. Et ça date de 59. Oh. Et du coup, donc il y a le côté très rock'n'roll, un peu rockabilly, vraiment années 50. Et du coup, l'effet fuzz, c'est vrai, c'est vraiment. Et du coup, ça a été vraiment un des tout premiers morceaux, en tout cas, on va dire populaire, à utiliser cet effet fuzz sur du rock'n'roll. Et comme 59. Quoi, ma méconnaissance de la musique me permet d'emporter ce point. Et du coup, t'as le point ou pas? C'est celui qui est le plus proche ou ouais, il faut avoir les 3 ans quand même? Non, mais j'ai les 3 ans, moi j'ai dit 58. Ans, il a dit 58, donc c'est 59. Je sais genre... pas, moi on me demande de parler, je sais pas calculer. Soyez amis. C'est bien, j'aime mieux ça. Troisième extrait? On est parti. Rhymes faster than a speeding bullet. Has more rhymes than a train has tracks. Able to reach sucker MCs in a single rhyme. Look at the jam of the mic. It's a bird. It's a plane. No, I'm super rhyme. It's the new thing makes you wanna swing while us MC rap. Doing our thing is not singing like it used to be. No, it's rapping to the rhythm of the Zorzad beat. It goes one for the money, two for the show. You got my beat, now here I go. You see this DJ, he gets down mixing up beats while they go around with a hit up. The hop, you just don't stop. You rock to the beat till it makes you drop. Alors messieurs, de quand ça date ça? Alors t'es pas prêt Léo? 78. Ok. Je vais dire, attends, déjà, mais 78, mais j'ai un trou de mémoire sur le premier morceau de rap. Attends, je te propose, tu donnes ta réponse, Clem, okay, donne la sienne, et après vous me donnez chacun vos arguments. Ok, vas-y, année. 78. 83. Ok, argument. Du coup, si c'est 80, on a tous les deux gagné, quoi. C'est bien. Ouais. Non mais en fait j'ai un trou de mémoire sur le premier son de rap là, Sugary Gang. Non, c'est pas quoi, tu penses à Rapper's Delight. Rapper's Delight, pardon. Ouais. Rapper's Delight, c'est quoi? C'est 77, on est d'accord. 78. C'est 78. Possible. Ouais. Ouais, du coup, bah, j'aurai sûrement 78. En fait, mais je pensais à une année après, en fait, un truc très, très. Okay. Mais en tout cas, dans cet ordre. Dans ouais, cet ouais, ordre non, c'est dans près, ces, ouais. Dans parce ces que vraiment début du rap. Ouais, parce que je sens la parodie en fait directement. Ouais. Genre, je commence à pomper le truc avant même que c'est soit sorti du ghetto et que je fasse du plagiat direct. Ça se sent. Clem. Alors moi, c'est surtout au niveau de la prod, parce qu'au niveau de l'enregistrement de la voix, ça me fait penser un peu à du Madness ou du Joe Strummer. C'est vrai. Alors, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un petit truc Joe Strummer dans la voix. Et, mais surtout, en fait, c'est vraiment l'enregistrement de la voix qui me fait penser à du Madness. Et donc, du coup, j'ai essayé de situer ça à peu près à du Madness. Ok. Et alors, du coup, la réponse, c'était 1980. Eh ben, on a tous les deux raison. Ouais. Je pourrais être méchant et dire il y en a un qui est plus proche de l'autre, mais j'ai pas envie de jouer à ça. Alors, il s'agissait de Jimmy Spicer et le morceau s'appelle Adventures of Super Rhyme. Vas-y, je te mets le point, Léo. On est d'accord que c'est de la grosse parodie. Alors, du moi, ça me fait penser à The Breaks. Tu vois, oui, c'est, ah oui, c'est vraiment pour moi. Enfin, il a vraiment repompé le truc derrière. Je l'ai pris parce qu'en fait, c'est considéré comme le premier single de horrorcore, c'est-à-dire vraiment le horrorcore, c'est-à-dire vraiment le sujet de l'horreur dans le hip-hop. 1980, donc du coup, ce serait le premier. Et en fait, dans l'histoire. Le fameux Jimmy Spicer raconte sa rencontre avec Dracula. Oh. Voilà. Eh ben écoute, on est parti sur le troisième extrait. Enfin, le quatrième extrait. Alors, il y a de la triche parce que j'ai vu le nom de l'artiste et je le connais. Donc, en fait, donne ta réponse. Vas-y. Alors, je donne ma réponse. Donc, moi, j'ai vu Léo complètement à fond sur le morceau pendant l'extrait. Ouais. Donc, je vais aller très, très loin. Je dirais que c'est en moins 200 avant Jésus-Christ. Et je pense que c'est faux, parce que la musique enregistrée n'existait pas encore. Sur l'échelle de l'humanité Quoi? Comment ça? Prouve-le. Comment on connaît tous ces chants là, à l'église, du coup? Non, allez, vas-y, pour donner une année, je veux dire... On est moins sur ton domaine, hein. Ouais, on est carrément moins sur mon domaine. Je dirais 2000... Ça se trouve, Vas-y, teste. Je vais scruter sur le visage de Léo pour voir si je suis plus ou moins loin. Poker face. 2003. Non. 2008. Ok, c'est à mon tour. Mais du coup, mon point ne va pas compter, même si je suis pas trop sûr d'avoir la bonne réponse. Mais je vais dire 2017. 2018. Ouais, tu veux. C'est sorti il y a. Même pas, je dirais 3 mois. Et c'est déjà bien en avance sur son temps. Mais voilà. Bon. Donc, ça, c'est Ghost Main, qui est un artiste qui commence à grimper assez vite. Le morceau s'appelle Nihil. Donc, cette espèce de mélange de hip-hop très actuel, mélangé avec un son métal un peu black, un peu doom, et aussi industriel. Voilà, on arrive à cette espèce de mélange qu'on commençait un petit peu à anticiper et qui commence un peu à prendre forme, ce mélange de trap et de métal et un peu de musique indus là-dessus. Donc voilà, 2018. Donc, okay. Une petite nouveauté. Alors, après toi. Pas facile celle-là. Non, c'est pas facile. Je vais dire 89. Ouais. Attends, 89, j'ai entendu derrière, donc j'ai envie de. Non, mais ça peut vous dire ce que. C'est 80. Moi je dis 89. Je reste sur 89, okay. Genre un truc à la publique. Je suis pas hyper loin parce que moi j'allais dire 93. Ouais, okay. Mais tu vois, genre, on est dans ce genre de trucs. On est sur un truc à la Public Enemy, à la cour. Pourquoi 89 ? Je sais pas, parce que du coup, j'ai envie de me dire que ce que t'as mis, c'est des trucs un peu avant-gardistes ou alors qu'on n'est pas leur place à leur endroit et que du coup, c'est trop. C'est un son qui sonne trop vieux pour être un truc actuel et que du coup, je me dis, c'est peut-être un petit peu en avance. Donc 89, d'accord. Tu vois. À quoi ça te fait penser en fait ? À du Public Enemy ou des trucs. Ok. D'accord. Ok. Clem, 93, tu disais ? Moi, je disais 93 parce que ça me fait penser du coup à du Beastie Boys sur certains trucs. Alors après, c'est pas la période, mais au niveau de l'enregistrement, enfin au niveau de la prod, la basse me fait penser à du Rage Against the Machine. Mm-hmm. Et du coup, bah, je situe ça un peu dans le grunge, tout ça. Ok, alors, il s'agissait d'un groupe que j'adore parce qu'à chaque fois, j'oublie qu'ils existent, qui s'appelle Urban Dance Squad. Qui est d'un groupe qui nous vient des Pays-Bas. Ça sent bien 93. C'est un groupe des Pays-Bas. Rien à voir avec les films Urban Dance. Je ne pense pas. Ouais, j'espère. Et donc, du coup, le morceau s'appelle Fast Lane et date de 89. Oh pile dessus. Donc ouais, et à chaque fois, ce qui est marrant, c'est que réécouter du Urban Dance Squad, ça me fait penser, moi, un peu donc, du Public Enemy, un peu du Run DMC et tout. Et la grosse dose de funk dessus. Et du coup, les mecs arrivent 3 ans avant Rage Against the Machine, quoi. Bah attends, t'as pas Infectious Groove en 80. C'est 80. Oh, c'est une bonne question ça. 90, entre 89, 90. Mais c'est juste marrant qu'un groupe comme ça en fait. Et on a une recherche directe sur les internets. Oui, 80. Mais c'est relativement tôt parce que oui, t'es dans des trucs un peu. C'est ça. Mais c'est vrai que l'influence hip-hop est très marquée, mais c'est marrant le côté très. Bon, ça se ressent vraiment sur certains morceaux, le côté très groove metal un peu qu'on ressent sur Infectious Grooves depuis 1989 aussi. Ouais, c'est ça. Bah, voilà. Ça m'étonne pas. Bravo. Sixième extrait. Je fais semblant de savoir des choses, mais apparemment ça marche. Second degré. Exactement ce que j'allais dire. Alors messieurs. Oh putain, je suis un foutu de te donner une année là. Ah ouais, mais c'est pareil. C'est hardcore. Hein. C'est hardos de ouf. Je vais y aller complètement au pif. Ok, pareil. Vas-y. Allez, 2003. Ok. Et ben moi je vais partir dans un truc pas du tout dans ces années-là. Mais, années-là, mais moi, en fait. Moi je vais dire 66. Ok. Mais 68. 68, allez, on part sur. Tu 68. Vois, je l'aurais 68. Mis dans les années 70 ou 2000. Tu vois, j'ai un gros trou entre les deux. Qu'est-ce qui vous fait tiquer ? Qu'est-ce qui vous fait tout. Penser C'est-à-dire second degré. Non mais enfin je sais pas dans les, je sais pas, dans les sonorités dans le truc. Moi dans les sonorités ça me fait vaguement penser à du Chinese Man ou du vaguement. J'ai dit vaguement. Ah ouais, putain hein. C'est vague ouais. Non, ouais non mais vaguement de loin hein, mais ou du Puppet Mastaz. Mais tu vois vraiment le côté. Ouais, d'accord. Je vois un côté burlesque. Voilà, un petit côté burlesque. Ah, ouais, tu veux dire qu'ils auraient fait un son qu'ils auraient accéléré, quoi. Voilà, c'est ça. Un son accéléré numériquement derrière avec d'autres trucs. Alors voilà, c'est vraiment. Mais je vous dis. Hein, c'est trop crépitant, moi, pour, au niveau du son derrière. Tu sens vraiment le truc vinyle, l'enregistrement un peu vinyle. D'accord. Mais justement, je pars de 68 parce qu'on est dans les mêmes trucs que je disais tout à l'heure avec les. Bah, c'est un peu le même délire que Zappa et compagnie, avec du truc hyper psyché, quoi. Ok. Alors, du coup, c'était donc Sun Ra. Je sais pas si vous connaissez. Ah, c'est putain, un artiste de jazz. D'ailleurs, pour savoir, c'est un peu un des, on va dire, des parrains du free jazz. Oui. Donc vraiment le côté très avant-gardiste. Mmh. Et du coup, c'est un morceau qui s'appelle Planet Nine. Et cet enregistrement date de 68. Oh alors que Léo est sur une série de perfect là. Bah alors, deux, c'est que deux, hein, ça va. Ouais, c'est beau quand même. Celle-là, franchement. T'as déjà 5 points en fait, en comptant le truc que tu connaissais déjà, mais du coup, on peut quand même se faire les extraits. Ah oui, nous, on va se les faire quand même. On s'envoie la suite. Bah oui, on get our best trained, best educated, best equipped, best ça va être rapide, prepared hein. Troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. T'as avancé là ? Come on. qu'il y a du rap dessus. Alors messieurs, du coup, c'était quoi ça? Alors Léo? Ben moi je vais dire 89 parce qu'il a dit 89, alors voilà. D'accord. Mais c'est peut-être un piège. Donc tu parles un peu anglais? Ben j'ai compris ça, après ça fait longtemps donc j'ai un peu oublié tu vois. Ok. C'est peut-être un piège, tu sais, dans Stupéflip, il parle tout le temps de 1978 et... Oui mais, ben alors du coup tu dis, moi je dis 89. Ça marchait okay. Mieux. Clem, tu dis 89? Moi je dis 89. Je reste là-dessus et j'explique pourquoi après. Vas-y, de toute façon, t'as déjà gagné donc je peux dire n'importe quoi au pire. Mais ouais. Donc du coup, mais je vais dire 96. 96. Et moi je peux revenir sur mon choix et je vais dire 84 parce que j'ai déjà gagné et je peux dire n'importe quoi. OK. Non mais c'est aussi... vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non mais tu vois, il y a un truc genre je me dis le son il, en tout cas, il est bien 80s, bien rap 80s, donc je me dis tu vois les mecs qui sont tellement en avance qu'ils disent Non. Ils disent l'année d'après. 1989, tu vois. Alors, et du coup, c'est complètement. Donc, bon, si je veux savoir s'il y a un piège ou pas. Donc, vous avez bien reconnu Fight the Power de Public Enemy. Oui. Et donc, il dit donc 1989. C'est complètement ce que j'ai dit, moi. Et du coup, moi, j'ai vérifié en me disant putain, mais alors, du coup, est-ce que c'est sorti cette année-là? Et du coup, c'est pour ça que j'ai bien fait gaffe au truc de l'année d'enregistrement du truc. Et c'est 84. Et non, en fait, non, c'est 89. Et que la chanson est sortie en 89. Bah, il dit 89, donc c'est en 89. Oh. Putain, je vous ai fait un double piège, ça a marché. Pour arrêter de râler et finir en beauté, on va finir avec le dernier morceau. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ou pas? Ouais, c'est hyper bien, j'aime beaucoup cette petite basse avec cette petite mélodie de guitare. Moi aussi, j'aime bien. Par contre, j'ai pas reconnu, je sais pas qui c'est. Moi non plus, mais je connais pas le groupe, enfin je l'ai découvert là pour Lucas, hein. Cool. Je sais pas. Léo, t'as une idée, un truc Moi je vais dire 2007, un truc. Ok, moi j'allais dire 2011. C'est... Ouais. Ouais, tu vois, on est dans les. Pas facile en fait de déterminer parce que le style peut faire très 90, 2000, 2010. Ouais, en fait. Ça peut être n'importe quand. C'est plus. Si je peux me permettre, je trouve que la basse est quand même plus vomissante qu'un voilà. Truc des années 90. Voilà. Ça fait plus 2000 quand même. C'est souvent, c'est plus les choix instrumentaux et je pense le. Enfin, le mixage, le mixage la manière et tous les arrangements du truc qui font que c'est pas. Donc du coup. Alors, t'as dit 2007 et toi tu as dit 2011. Et ben c'était 2014. Ouais, c'est moi qui ai le point. Ouais, j'en ai deux. C'est un groupe qui s'appelle The Twilight Sad. La chanson s'appelle There's a Girl in the Corner. Voilà. Donc 2014, c'est vrai que c'était pas facile de déterminer parce que moi quand j'ai écouté le morceau, je me suis dit ça pouvait être, ouais, j'aurais dit 2009 ou un truc comme ça. Et en fait, c'est. Mais je suis d'accord que le comment dire. Là, on va dire la qualité d'enregistrement et notamment au niveau de la basse fait un son assez moderne en fait. Le... Bah en fait, tu sais pas si c'est un truc qui a été enregistré la semaine dernière ou un truc qui a été enregistré dans les 15 ans parce que ça fait 15 ans que du coup le rock tape dans des trucs un peu dans. Exactement. Enfin, le rock pop. Ça fait penser à des trucs, tu vois, genre ça aurait pu être du Radiohead, tu vois, genre prêt. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que la ligne de basse ressemble énormément à un morceau de Radiohead. Je crois que c'est sur All I Need, c'est l'album In Rainbows qui datait de 2007-2008, où il y a une ligne de basse qui est très similaire. C'est assez marrant. Donc voilà. Comme quoi, je connais très mal Radiohead puisque c'était complètement pif. Ouais, mais on t'a dit un truc vrai, tu vois. Et des fois, tu tombes au pif, t'as raison. Regarde Frank Zappa, t'as trouvé tout à l'heure. Alors que j'ai écouté une chanson de Frank Zappa, quoi. Apparemment. Le mec qui gagne le jeu, il se démolit ça. Non, donc Léo remporte donc cette première manche de la QV. Et bah bravo Léo. Du coup, il aura le choix de. Ah, putain, tant de responsabilité. Non, en fait. Ouais, du non, coup, je suis plutôt content de pas l'avoir, de pas l'avoir gagné, tu vois. Non, mais on verra ce que t'as gagné. Je sais pas encore. Peut-être que t'auras la dernière bière en finale. Ah oh, putain. C'est plus beau jour de ma vie. Ou c'est toi qui organise le jeu la prochaine fois? Ouais, ça peut être ça aussi. On va voir, on va décider. C'est après un cadeau ça. On va jouer aussi. C'est ça. Ouais, j'aimerais bien jouer moi aussi. Ok, vas-y. J'organise le jeu. Ok. Très bien. Bah bref, tout ça pour dire que du coup, on vient de finir tout ce qu'on avait à dire, je crois. On pourrait parler pendant des heures. On pourrait parler. D'ailleurs, on parle à peu près depuis des heures. Ouais. Mais on va pouvoir maintenant se quitter. Messieurs, avant, est-ce que vous avez quelques petits, je sais pas, petits remerciements, petites références, petits conseils à nous donner et à donner à nos chers auditeurs? Eh bah, ben, vas-y, Clément. Alors, moi, j'ai juste quelques petites recos. Du coup, je vous conseille d'écouter l'album Albuminable d'Happy Funerals, c'est le groupe qui chante Autotune au début de ma chronique. C'est un groupe de rap assez sympa, avec un peu rap parodique, c'est assez cool. Et dans le même délire, Cadavreski, l'album Sensible, il y a un morceau qui s'appelle Écraser les mamies avec de l'autotune, tout ça. Donc, c'est assez fandard. Et sinon, la reco, c'est les deux titres que les Raconteurs viennent de sortir. Sunday Drivers et Now's Now ah ouais. That I... Donc du tout neuf, tout neuf. Voilà, ça c'est du tout neuf. Les autres, c'est un peu moins neuf, mais voilà, c'est assez cool. Ok, très bien. Léo, un petit truc à dire? Bah, moi j'ai envie de dire, allez écouter peut-être pas tout l'album, parce qu'il est un peu, il est un peu long, mais je parlais de tout à l'heure de nos amis de TTC qui ont fait le premier morceau de rap en français, qui est quand même assez impressionnant. J'ai un trou de mémoire là tout de suite maintenant, donc faut que je le retrouve, ce qui est un peu compliqué, tu vois. Genre, ça va être un gros blanc dans ce coupage parce que j'ai complètement oublié le. Allez écouter un album de TTC, vous tomberez peut-être sur le long. Ouais, non, mais en fait, allez écouter toutes les discographies de TTC si vous voulez du rap français innovant qui fait des trucs qui ont 20 ans d'avance, enfin peut-être pas 20 ans, mais 15 ans d'avance, franchement. Et il y a 15 ans ah. C'est turfu, mec. Ah non, mais vraiment, TTC, c'est le turfu. Hein. Ouais, non, mais je te crois. J'ai pas trop écouté, donc je vais suivre ta reco. Mais voilà, non, voilà, j'ai retrouvé le nom L'Armée des 12. C'est le nom de l'album et c'est Hélium Liquide, le nom de la chanson qui vous d'accord. Ravira vos esgourdes. Ok, bah. Très bien. Bah écoutez, de mon côté, en petit conseil, bah pas facile, puisqu'en plus, là, moi-même, j'ai découvert pas mal de trucs en vous en découvrant les différents sons. C'est vrai que pour le coup, Ghostmane, je reste toujours sur le cul de ce truc qui vient de sortir parce que c'est. Ça va pas plaire forcément à tout le monde, mais en tout cas, je trouve ça vraiment très original. Après, c'est vrai que sur les derniers sons que je voulais écouter, j'avoue que la chronique que j'ai fait, je pensais pas forcément parler beaucoup de Blue Cheer, mais c'est vrai que ce premier album est assez intéressant et je trouve ça assez cool de retrouver un peu des pépites dans un peu du stoner et tout. C'est super intéressant. Et au passage, je voulais quand même faire un petit remerciement pour une chaîne YouTube que je suis depuis pas mal de temps qui s'appelle Polyphonique, où un mec traite un peu de différentes questions. Il fait de l'analyse musicale, ça dure environ 10 minutes. Et il s'avère par hasard que le mec a fait une chronique sur le métal il y a quelques semaines. Et c'est vrai que moi j'étais en plein travail sur la mienne, et du coup ça m'a inspiré quelques idées. Et ouais, très intéressant, plutôt bien foutu. Donc si vous avez l'occasion, c'est en anglais, mais je vous conseille quand même d'acheter un coup d'œil. Sur ce, messieurs, je pense qu'on va pouvoir se quitter gentiment. Qu'est-ce que je voulais dire d'abord? Bah écoutez, déjà tous les sons qui ont été proposés dans cette émission, on a fait une petite playlist sur YouTube que vous pouvez retrouver, autrement vous faire une liste de liens avec tous les sons que vous pouvez retrouver, et puis quelques petites recommandations, quelques liens vers différentes choses que vous pouvez lire, écouter, voir. Voilà. Les gens vont être contents de réentendre Queen, Bohemian Rhapsody avec de l'autotune, tu vois, par exemple. Ah, version Deezer. Ouais, ou une super chanson sur la méningite. Quoi, par exemple. Où est-ce qu'on peut nous trouver? Oh, moi je sais. Alors vas-y, dis-moi. Sur Facebook, ouais. Sur Facebook, sur Twitter, sur le site internet tartinetaculture. Ouais, tartinetaculture.wordpress.com. Et vous avez aussi le tartinetaculture, le podcast.fr. Nous sommes disponibles sur PodCloud, sur Player FM, sur iTunes. Et on met plein d'étoiles. Et on met, ouais, mettez plein d'étoiles, dites que c'est génial, demandez à la Sécu de vous rembourser. Ce que vous voulez, donc voilà, je crois pas oublier quelque chose. Ah, si, on a un Instagram maintenant, donc vous aurez peut-être quelques petits visuels un peu rigolos. Vous en avez déjà eu, peut-être, si vous suivez la page. Donc voilà, et puis bah nous, je pense qu'on va se retrouver assez tôt, peut-être le mois prochain, avec une nouvelle émission, une nouvelle thématique. J'espère qu'en tout cas que ça vous a bien amusé. Nous, on s'est fait très plaisir ce soir. Donc voilà, messieurs, j'espère que vous avez passé un grand moment. En tout cas, oui. Un très bon et moment. Et merci à vous deux. Et que cette première fois, donc cette expérimentation a plutôt bien marché et que la mayonnaise a suffisamment pris pour qu'on ait un deuxième épisode. Donc très bonne soirée à tous et à bientôt.